Micro ouvert. Alors, l'objet de ce rapport est de décrypter l'activité réelle, effective de ces entreprises dans ces différentes dimensions. On a regardé plus particulièrement trois dimensions. Dominique Plion, comment le CAC 40 se gave sur notre dos? La dimension sociale ou répartition des richesses dans l'entreprise, la dimension fiscale, l'évasion fiscale, et troisièmement, la question écologique, la question en particulier du climat, l'impact de ces entreprises sur le climat. Alors pour la méthode, c'est très simple, on a travaillé d'ailleurs avec l'Observatoire des multinationales qui décrypte à partir des comptes publiés chaque année par les entreprises, à partir de leur rapport annuel plus exactement, eh bien, qui décrypte l'activité de ces entreprises. Eh bien, ça indique très clairement qu'il faudrait rajouter un chiffre, c'est que les profits ont augmenté, selon nous, de 6% par an, tandis que les dividendes ont explosé de 44% par an et les salaires ont pratiquement stagné pendant la période en question. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a une répartition de la valeur créée, des richesses créées dans l'entreprise qui va très largement au profit d'abord et ensuite qui est répartie prioritairement vers les actionnaires. Ce qui veut dire que, d'après nos calculs, les deux tiers des profits sont distribués aux actionnaires et seulement un tiers reste dans l'entreprise pour lui permettre en particulier de financer ses dépenses d'investissement. On constate qu'au contraire, les impôts payés par ces groupes ont diminué pendant la période, une diminution de 6%. Donc les profits explosent et les impôts payés sur ces profits diminuent. Ça vient principalement de l'évasion fiscale de ces entreprises du CAC 40. Elles ont au total, les 40, elles ont 16 000 filiales dans le monde. Et sur ces 16 000 filiales, il y en a 2500 qui sont logées dans les paradis fiscaux. En ce qui concerne les inégalités, deux choses que nous avons soulevées. D'abord, les inégalités spectaculaires entre les patrons, les dirigeants de ces entreprises d'une part et leurs salariés, les salariés de ces entreprises d'autre part. On a trouvé qu'il y avait un écart qui était en moyenne de l'ordre de 1 à 100, à peu près, 120 exactement, pour l'ensemble des entreprises du CAC 40, mais que pour beaucoup de ces entreprises, eh bien, il y a des écarts de 1 à 250. C'est-à-dire qu'il faut, pour le salarié qui est en bas de l'échelle des salaires dans ces entreprises, 250 ans pour gagner ce que leur patron gagne en une seule année. Et puis deuxièmement, on a regardé les inégalités de genre, les inégalités hommes-femmes dans ces entreprises. Et là aussi, on a des résultats qui ne sont pas bons du tout. Les écarts de salaire à compétences égales sont de l'ordre de 20%, exactement 18,6% entre les hommes et les femmes en moyenne dans ces entreprises. Et deuxièmement, on a regardé aussi au niveau des directions d'entreprises s'il y avait des femmes qui dirigent ces entreprises ou qui sont présentes dans les conseils d'administration. Et là, c'est pareil, les femmes sont minoritaires dans les conseils d'administration et sur les entreprises du CAC 40, il n'y en a que deux qui sont au poste de responsabilité les plus élevés. Les émissions de CO2 des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 5%. Donc, alors que les engagements en lien avec l'accord de Paris, la COP21 de 2015, impliquent que ces entreprises baissent leurs émissions de CO2, bien, elles continuent de les augmenter. Parmi les entreprises financières du CAC 40, les banques en particulier, donc BNP Paribas, Société Générale par exemple, eh bien on s'aperçoit qu'elles continuent de financer majoritairement les énergies fossiles à autour de 70% sur la période récente et elles ne consacrent que 20% de leur financement aux énergies renouvelables. On fait une proposition sur les écarts de salaire. Les écarts de salaire qui sont de 1 à 120 en moyenne, nous proposons de les ramener de 1 à 10. On veut réduire ces niveaux de salaire par rapport aux salariés qui sont en bas de l'échelle. Alors nous avons deux propositions à ce sujet. Une première proposition, c'est d'obliger ces entreprises à faire ce qu'on appelle un reporting public pays par pays de leur activité. Alors quand on dit reporting, c'est en fait chaque année de publier et de rendre public leur activité dans l'ensemble de leurs filiales à l'étranger, dont bien sûr les filiales dans les paradis fiscaux, de publier les effectifs présents, de publier leur niveau d'activité, par exemple mesuré par leur chiffre d'affaires, de publier les profits qu'elles réalisent, publier les impôts qu'elles payent sur place. La deuxième, alors nous, on est pour une réforme fiscale globale qui est la suivante et qui n'est pas du tout hors de portée, hein, qui est tout à fait possible de mettre en œuvre. Par exemple, si on trouve que Apple fait 5% sur l'activité mondiale en France, eh bien, et qu'elle fait 100 milliards de profits, on va dire qu'il y a 5 milliards de profits à taxer pour la France, 5% de 100 milliards, et on applique le taux d'imposition sur les sociétés françaises, par exemple. Si ce taux d'imposition est de 25%, eh bien, on va prendre 25% de 5 milliards et on aura l'impôt que doit payer Apple, qui est très loin de l'impôt qu'elle paye effectivement aujourd'hui à cause ou grâce à l'évasion fiscale. Nous partons alors encore une fois au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, puisque le projet était d'inviter, souvenez-vous, plusieurs économistes dans les locaux donc du réseau wallon. Et ce deuxième économiste s'appelle Monsieur Roland Gillet. Il s'explique, du moins il se présente. Et donc l'idée... Je la rappelle pour ceux qui débarquent, qui ne voient pas du tout de quoi il s'agit. Eh bien, c'est l'idée d'aller avec le micro au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, parce qu'ils ont eu cette idée d'inviter des économistes dans leurs locaux pour que ce soit les gens qui vivent la pauvreté ou qui l'ont vécu, qui posent leurs questions directement à l'économiste. Voilà, et ça faut savoir que c'est un projet qui est un peu en recherche, c'est-à-dire qu'il y a un public qui est là, il y avait un peu cette idée de pouvoir poser des questions, puis non, tout compte fait, c'est pas non plus un débat, c'est écouter vraiment ce que l'économiste a à dire sur les questions des personnes... Et donc on les appelle ces personnes les témoins du vécu militant. Donc ce sont des personnes qui vivent la pauvreté, qui l'ont vécu et qui posent du coup directement les questions à l'économiste et l'économiste répond. Point. Présentation. Voilà. Alors. Christine Maïla. Donc merci Monsieur Gillet de nous avoir rejoints dans les locaux du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté en présence d'un ensemble de personnes qui sont des témoins du vécu militant qui ont décidé avec le réseau de rencontrer une série d'économistes en se disant que finalement c'est des personnes qui remplissent des missions dans la société à partir d'un point de vue particulier qui est leur métier et les fonctions qu'elles exercent. Et ça nous intéresse d'entendre de façon cumulative les points de vue qu'ils peuvent avoir sur la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté. Donc on a choisi une formule qui n'est pas un débat, mais qui est « on ouvre grand nos oreilles ». Et on soumet en quelque sorte à la question, à partir de la réalité de l'appauvrissement, la personne qui a accepté de nous rejoindre. Voilà. Ludwig. Bonjour. En fait, nous, ce qu'on est en tant que témoin du vécu militant, c'est des personnes qui se retrouveront dans une situation à un moment donné et qui essayons de définir qu'est-ce qui n'a pas été dans cette situation et qu'est-ce qui ne va toujours pas. Voilà. Et donc, à travers notre expérience, on essaye de partager notre expérience pour essayer de faire bouger les choses. Julie. Et donc, moi, je vais expliquer un petit peu ce qu'est le réseau Wallon. Donc, c'est un réseau d'associations nombreuses qui sont a priori des associations plutôt de terrain. Qui travaillent sur les causes structurelles de la pauvreté. Donc nous, on essaie vraiment de, à partir de la parole des témoins du vécu, de faire remonter aux politiques nos recommandations et donc de transformer tout ça en recommandations politiques. On fait partie d'un réseau belge qui fait partie d'un réseau européen aussi. Ça va être... Mais vous donnez juste votre nom autour de la table, si vous voulez bien. Oui. Yvette. Eddy. Damien. Claude. Olivier. Ludwig. Françoise. Voilà, et on termine par une présentation alors de vous-même. Ah non, ça c'est très prétentieux. Essayez quand même pour qu'on... Enfin, moi, je vous... Les grosses lignes pour comprendre. Je suis professeur donc, à la Sorbonne à Paris et à l'ULB, donc à Solvay. Je suis conseiller de différentes institutions, donc j'ai travaillé pour la crise grecque, pour en Belgique la crise Fortis, donc j'étais expert dans l'affaire Fortis. Je suis spécialisé dans ce qui est décision d'investissement, mais également les relais politiques, donc les crises immobilières, comme en Espagne, j'étais conseiller pour le gouvernement espagnol. J'ai conseillé pour la crise grecque quand ça a mal tourné et après. Et maintenant, je suis conseiller, mais tout à fait indépendant, du Premier ministre parce que Premier ministre, c'est pas du tout parce que je fais partie d'aucune formation politique. Donc c'est plus un regard où ce qu'il m'a demandé, comme d'autres chefs de gouvernement aussi en Belgique, que ce soit au niveau régional mais aussi au niveau national, d'avoir une expertise européenne. Et donc je dis ce que je pense. Je peux me tromper comme tout le monde, mais je dis au moins ce que je pense. Quoi. Et après, il en fait ce qu'il veut. Donc je ne vais jamais à aucune réunion intercabinet, à aucune négociation où les coalitions politiques mettent autour de la table et puis négocient. Moi, je donne juste un avis indépendant. Donc voilà un peu en quoi est mon métier. Merci en tout cas d'être là, d'être présent et de jouer à notre jeu, on va dire. Alors nous, notre première question qu'on avait, c'est qu'est-ce que c'est exactement la pauvreté pour vous? Comment est-ce que vous la définiriez, vous la décririez? Et à partir de quand est-ce qu'on est pauvre? Voilà. Bon, d'abord, la pauvreté, c'est très différent en termes de mesure et en termes de vécu. C'est clair qu'on peut ramener ça à parfois un montant absolu et dire au-dessous d'autant, comme on le fait, on est en dessous du seuil de pauvreté. Or, je vois toute une série de gens, et on le voit notamment en France, parce que vous doutez que le volet aussi sur le plan politique, par exemple avec les problèmes de gilets jaunes, des gilets jaunes, il n'y a pas qu'en France, mais en tout cas, c'est là qu'il est parti. Et on voit quand même parmi les gens qui sont là, des gens qui sont simplement, comme vous le faites, des gens qui constatent leur état et qui voient qu'ils se dégradent avec le temps et notamment le pouvoir d'achat. Donc ramener ça à un montant, c'est insuffisant. Deuxième chose, c'est perçu différemment selon les individus, selon leurs besoins familiaux et la manière dont on traite la chose. Donc je crois que la situation de chaque individu ne peut pas se résumer à un chiffre, premier élément. Deuxième élément, c'est très différent d'une culture à une autre. La pauvreté dans les pays du Sud où j'ai beaucoup travaillé est perçue tout à fait différemment et le seuil en dessous duquel ils se révoltent est beaucoup plus bas que par exemple chez nous où on est des gens, je m'excuse de le dire, mais plus nantis, mieux, c'est pas pour ça que c'est merveilleux, que ce qu'eux vivent au quotidien. Et donc clairement, je ne savais pas si j'avais une touche sociale j'entends, pas socialiste, mais dans la vie, moi je me suis rendu compte avec la crise en Espagne que j'ai eu des choses horribles où j'aurais pu mettre parfois un nom, et parfois même des gens qui me sont très proches, comme ma maman, dans les gens qui étaient laissés pour compte, parce qu'on avait tellement poussé loin l'austérité qu'on ne leur donnait même pas de quoi vivre. Et en plus, c'était fait, et je l'ai répété des tas de fois en Belgique, quand j'étais là, à ce moment-là, expert au niveau de l'Europe, de dire, en plus, c'était fait sur le compte des riches. C'est-à-dire que les riches avaient le culot de prêter à des gens qui avaient déjà des difficultés, à des taux bien plus élevés que la réalité. Et tout son temps qu'on est ici en Belgique, vous devez savoir que l'État belge, comme l'État français, comme la majorité des États du Nord, ont gagné de l'argent sur les cas grecs. Pourquoi ? Parce que pour leur donner, entre guillemets, de l'argent, en fait, ils ne leur donnaient pas, ils les leur prêtaient. Ils s'endettaient à un taux, par exemple, de 3% et ils le reprêtaient à du 7%. Donc ça veut dire que si le plan réussit, on a gagné 4%, puisqu'on a emprunté à 2, on a reprêté, par exemple, à du 6. Hein, c'est un peu l'idée au départ. Donc clairement, la solidarité européenne sur les relais de ce qui aurait pu sauver des gens de l'extrême pauvreté n'ont pas eu lieu. Et juste parce qu'on n'est pas solidaire en Europe. Il faut savoir, aussi bien les gens du Nord que les gens du Sud. Et je peux vous dire d'ailleurs que les gens du Sud n'attendent qu'une chose, c'est qu'un jour on ait besoin d'eux pour nous rendre la belle solidarité qu'on ne leur a pas donnée. J'ai vu par exemple au niveau de la crise en Espagne, des Hollandais qui étaient très durs sur ce qu'il fallait faire avec les Espagnols, puis ils ont subi une crise immobilière après. Les Espagnols, même des gens très solidaires avec qui je travaillais, osaient dire ben, qu'ils crèvent. Quoi. Vous imaginez, alors que c'était des gens vraiment qui avaient une connotation sociale, tellement ils avaient considéré qu'ils étaient maltraités. Donc je crois que dans le volet pauvreté, il y a d'abord une chose, c'est un montant qui est propre à chacun. C'est vrai qu'on définit dans différents pays le seuil de pauvreté comme le revenu minimum et ainsi de suite d'une manière qui est plus ou moins acceptée, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent que c'est trop et des gens qui trouvent que c'est trop peu. Mais au bout du compte, il y a surtout des gens qui se sentent, c'est le cas de le dire, laissés pour compte et qui sont à un moment donné exclus de la société. Et il y en a de plus en plus. Et donc ça, c'est plutôt un sujet d'inquiétude qu'un sujet de résolution. Je m'excuse de répondre à votre question comme ça d'abord, mais c'est vraiment ce que je pense. Voilà, moins on a d'argent, plus la vie coûte cher. On ne sait pas remplir sa citerne de mazout d'un coup, et donc on paye plus cher en petite quantité. On ne sait pas acheter les bonnes paires de chaussures, et donc on devra changer plus souvent. On ne sait pas isoler la maison, et donc on devra faire des dépenses plus importantes en énergie. On paye la même TVA que les gens qui sont plus nantis en achetant du pain, du riz, des légumes, et on ne peut pas acheter un frigo ou des électroménagers à bon marché. On a une vie à bon marché, et le bon marché coûte cher. Quelle est votre réponse à cette injustice ? Qu'est-ce que vous proposez pour régler cette injustice ? Ben, tout d'abord, je vais dire, comme vous le dites très bien, il faut être riche pour pouvoir acheter du bon marché. Parce que c'est vrai que ça coûte finalement très cher. C'est clair que depuis les paires de chaussures jusqu'à l'électroménager, jusqu'aux voitures, on sait que forcément la qualité, ça se paie. Et c'est clair que les gens qui sont dans la précarité et qui ont quand même besoin au moins de se nourrir, de se loger, payent souvent très cher parce que justement, ils sont finalement les laissés pour compte d'un système qui met en plus avec de la TVA des taux qui peuvent être parfois les mêmes entre un riche et un pauvre. Donc ça, on le sait bien. Le seul problème, c'est de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour redistribuer les ressources, qu'elles soient au niveau belge, si on est en Belgique, mais qu'elles soient même au niveau européen, voire qu'elles soient au niveau mondial, de telle façon à corriger ce que des économistes, par exemple, comme en France, Piketty, parce qu'il a été connu dans le monde entier par son ouvrage, met bien en avant, à savoir qu'il y a effectivement des gens qui se sont enrichis les 20 dernières années par la globalisation des économies, beaucoup plus que d'autres. Et ces gens, en plus, ce qui est malheureux, c'est que pour certains, en tous les cas, je ne dis pas qu'ils sont tous dans cette situation-là, c'est ils ont tellement mis d'argent de côté que c'est au moins 100 générations ad minimum qu'ils ont sécurisé pour eux. Et donc aujourd'hui, de voir qu'il y en a d'autres qui sont dans la rue et qui souffrent, c'est vrai que, je ne dois pas reprendre les propos de Coluche, mais je trouve qu'il illustrait déjà bien les problèmes. Hein, quand on ne sait pas se loger, qu'on ne sait pas se nourrir, on a déjà un vrai souci, sans dire que c'est le luxe quand on arrive à faire que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ne voient pas comment ils pourraient contribuer. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais il y a quand même des exemples où il y a des gens qui bougent. Et ce n'est pas nécessairement dans les pays où vous les croyez. Moi, j'ai vu des gens, et c'est vrai d'ailleurs partout, il y a des gens très égoïstes en Wallonie, il y a des gens très égoïstes en France, il y a des gens très égoïstes aux États-Unis, il y a des très égoïstes en Allemagne, et il y a aussi des gens qui sont très bien dans chacun de ces pays. Mais par exemple, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, s'ils réussissent, hein, c'est encore pas gagné, mais ils n'en sont pas loin. L'argent qui a été mis de côté par des individus, hein, je ne parle pas de leur entreprise, les entreprises, vous les connaissez, c'est des gens comme Microsoft, avec Bill Gates, vous avez Warren Buffett, qui lui est plutôt un financier, et vous en avez l'un ou l'autre qui sont mis ensemble. Aujourd'hui, s'ils réussissent avec de l'argent qu'ils ont donné, hein, je vous signale qu'ils l'ont mis dans une fondation, ils ne reverront jamais plus d'argent, mais ils le gèrent convenablement dans l'intérêt des pauvres. Aux États-Unis, s'ils réussissent dans quelques années, ils arriveront à dégager pour la pauvreté plus que le budget américain lui-même. Donc ça veut dire qu'il ne faut ni exclure la vision des gens qui sont pauvres, ni des gens qui sont riches et qui sont prêts à contribuer à justement réduire les inégalités. Je pense que les mauvais ne sont pas nécessairement uniquement d'un côté. Et je trouve aussi que parfois certains des deux côtés feraient bien plutôt d'essayer de réunir des idées plutôt que de se tirer dessus, parce que ça n'aboutira à rien. Et en plus, vous savez qu'au niveau politique, il y a un élément qui aujourd'hui pose de plus en plus problème pour prendre des décisions intelligentes, à mon avis, à long terme. C'est que, et heureusement, chaque individu a le droit de vote, mais aujourd'hui, dans beaucoup de pays, et je l'ai vu plus encore dans les pays du Sud que chez nous, il y a plus de gens qui profitent, vous dites bien que je mets des guillemets, de recevoir au total que de gens qui contribuent réellement à apporter de quoi prélever. Je m'explique, ici en Belgique, c'est plutôt les classes moyennes, l'indépendant, le petit indépendant, qui commence à un moment donné à gagner un peu d'argent, pas énormément d'argent, il est très vite taxé à 50%. Ça devient à un moment donné contre-productif parce qu'il a juste plus envie de produire plus. Et vous avez de l'autre côté quelques-uns qui, eux, gagnent énormément d'argent, qui sont plutôt des gens de deuxième ou troisième génération d'ailleurs, et qui, eux, ne savent plus qu'en faire. Et vous avez toute une série d'autres qui, eux, sont tellement bas qu'on a besoin, parce qu'ils sont en dessous des minima sociaux, à trouver justement une redistribution pour leur donner. Ce qui est très gênant aujourd'hui, c'est que si je suis un parti politique qui veut être aux affaires, j'ai presque intérêt à aller chercher de l'utopie, c'est-à-dire de promettre des choses à la majorité, c'est-à-dire la majorité, pour le moment, elle est plutôt des gens qui reçoivent que des gens qui peuvent donner. Je promets, mais je ne sais pas comment je vais faire après pour y arriver. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait aussi que vous avez beaucoup de gens qui commencent à ne plus croire dans aucun régime politique parce qu'ils voient qu'à un moment donné, malgré qu'on leur a promis, ils ne reçoivent pas. Mais il faut toujours vous dire que pour recevoir, et c'est ce que j'explique souvent aux hommes politiques quand ils me le demandent, c'est un gâteau, c'est un gâteau. Et un gâteau, pour le partager, c'est mieux quand il grandit que quand il serait tressé. Et or, pour le moment, le gâteau, et je ne dis pas que pour le climat, en fait, vous entendez tout ce qui vient sur la table, on peut aussi rêver, mais il est suffisamment petit pour qu'on ne soit pas solidaire. Donc si on ne le répartit pas avec une intelligence de dire que notamment la classe moyenne aujourd'hui doit avoir aussi une rémunération pour les efforts qu'elle fait, on va avoir des problèmes sociaux des deux côtés. Et ce n'est encore pas ce que vous voudriez qui paient, qui payeront. Ce sont ceux qui font des efforts et qui commencent. Des jeunes, par exemple. Moi, j'en ai beaucoup aujourd'hui qui réfléchissent à deux fois à faire leur entreprise, et je le dis parce qu'on est ici en Wallonie, en Wallonie. Parce que s'ils réussissent un peu, ils savent qu'ils vont être tout de suite stigmatisés comme devenant des capitalistes alors qu'ils commencent juste à gagner un peu leur vie. Et si en plus ils ont l'un ou l'autre signe extérieur de richesse, ils seront vus par le voisin plus contre quelqu'un qu'on doit jalouser que quelqu'un qui doit servir d'exemple. Donc je pense que globalement, au niveau de la pauvreté, si on veut régler les choses, il faut que les gens se rapprochent plus que se divisent. Ça veut dire, c'est facile ce que je dis là, mais je vois quand même dans certains endroits où on... Allez, je vous cite encore un exemple. J'ai vu certaines villes en Espagne au moment de la crise où les gens se sont mis autour de la table et au niveau local, les riches comme les pauvres, et il y a évidemment dans les riches comme dans les pauvres des gens qui n'ont pas voulu juger, une fois qu'ils se sont mis ensemble, il y a eu un bloc qui a permis en tous les cas de soulager pas mal de gens. Et j'ai été étonné de voir à ce moment-là à quel point c'était la discussion, plus que des montants balancés des deux côtés, qui ont permis de trouver des solutions. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment intérêt à mettre tout le monde autour de la table. Or, j'ai chaque fois l'impression que je vois des gens comme vous qui m'expliquent leurs problèmes, et puis je vois les politiques qui m'expliquent d'autres problèmes, et leur problème, c'est de dire, moi, si je veux un jour être aux affaires, il n'y a rien à faire, c'est mathématique, je dois être élu. Et pour être élu, qu'est-ce que je promets aux gens qui sont les plus nombreux à recevoir aujourd'hui, par rapport aux gens à qui je peux prendre, des choses que je n'aurais pas payées. Ou alors, il faut que je prenne encore plus à ceux qui commencent seulement à créer de la richesse. Or, ceux-là, ils en ont jusque-là demandé aux petits indépendants s'ils trouvent qu'ils sont bien traités, et pourtant, ils travaillent beaucoup. Donc, clairement, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention à cette équation. Et de l'autre côté, n'oubliez pas une chose, et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça, la globalisation des économies fait que si vous tapez trop sur les riches, ils s'en vont, tout simplement. Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, mais ils s'en vont. Et je vous assure qu'ils ont toujours de très bonnes raisons. Hein. J'entends des gens qui ont des moyens très élevés, et je ne sais pas prouver si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui me disent, écoute, moi je suis parti en Suisse, dans les montagnes suisses, parce que mon épouse a des problèmes d'asthme. Oui, c'est peut-être des problèmes d'asthme, mais c'est aussi des autres problèmes. Par exemple, de payer un impôt qui leur semble beaucoup plus avantageux, et qui, du même coup, une fois qu'ils font le geste de devenir résident en Suisse, notamment dans les stations de sport d'hiver dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et des gens qui, au départ, se trouvaient plutôt, dans leur expression, y ont été, et vous allez voir de qui je parle, par exemple, comme quelqu'un comme Johnny Hallyday, je ne vais pas parler de chanteur, mais lui, il y est allé pour des raisons purement fiscales, ça n'a choqué personne parce qu'il avait un look qui collait mieux, mais il y en a d'autres qui, avec un autre look, le font tout pareil, mais pour les mêmes raisons, mais sont plus malins, parce que ça ne se sait pas. Et alors là, je vous dis, vous perdez sur toute la ligne, parce qu'avant, ils ne payaient déjà pas beaucoup d'impôts, mais ils en payaient. Mais là, vous perdez toute leur assiette d'impôts, donc vous perdez tout l'impôt qu'ils payaient. Ils n'en payaient déjà pas beaucoup, maintenant, ils ne payent plus du tout. Et tout ça est tout à fait légal. Hein. Vous pouvez vous battre, vous pouvez vous lever, vous pouvez crier. Qu'est-ce qui empêche à quelqu'un, riche ou pauvre, sauf qu'il faut de l'argent chaque fois pour acheter quelque chose, mais pour eux, ce n'est pas cher de dire « Aujourd'hui, je ne suis plus résident de Namur, je suis résident de Verbier. » Point. Et je suis un honnête résident à Verbier, où on applique la législation qui est tout à fait en face avec l'impôt que je dois payer là-bas, sauf que l'impôt que je dois payer là-bas, c'est un centième peut-être parfois de ce que je paye ici. Et donc quand vous dites, à un moment donné, parce que vous connaissez les slogans comme moi, il faut prendre l'argent où il est, très bien, mais il faut l'attraper d'abord. Hein. Et, ben oui, parce que si le type s'en va, vous n'attrapez plus personne. Et donc je pense que c'est dangereux parce que ça va plutôt créer des ghettos pour riches, et qui risquent un jour d'avoir un soulèvement qui peut leur créer certains autres problèmes, mais pour le moment, on en est là. Si vous prenez un autre pays qui a très bien géré la chose, malgré le fait qu'il est dans l'Union européenne, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, aujourd'hui, c'est un honnête État. Il a toujours été honnête, mais avant, il acceptait de l'argent qui n'était peut-être pas toujours déclaré. Aujourd'hui, au lieu de faire ce qu'on appelait du offshore, c'est-à-dire de prendre de l'épargne cachée, ce que les gens gagnaient, et ne pas le déclarer au fisc. Aujourd'hui, ils le déclarent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup mieux. Ils reçoivent les gens, ils deviennent d'honnêtes résidents luxembourgeois, et ils paient l'impôt luxembourgeois. Point. Qui est beaucoup plus bas que l'impôt belge. Point. Et donc, ces gens n'ont aucun problème. Et donc, je répète, vous pouvez à un moment donné vous fâcher. Vous avez entendu, sans doute, puisque c'était dans la presse, que le plus gros actionnaire de AB InBev, hein, les hommes savent pourquoi, ben, il sait aussi pourquoi, lui. Il est parti là-bas, et c'est son droit. Et il ne paie plus d'impôts en Belgique. Point. Et donc là, vous perdez la totalité. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'aujourd'hui, tout est tellement imbriqué que c'est évidemment les gens les plus nantis qui peuvent, à un moment donné, faire leur sélection par rapport à l'endroit où ils vont être taxés. Et donc, si vous me dites maintenant, on va mettre des frontières, des murs, ça ne sert strictement à rien. L'argent, il est mobile. Donc même vous empêcheriez qu'il part, vous avez la révolution si vous faites ça. Donc aujourd'hui, il faut réellement mettre en place des systèmes d'abord européens à tout le moins, qui vont dans un sens où on ne traque pas les gens, mais on leur explique que faire ce qui se fait encore pour le moment, ce qu'on appelle du dumping, non pas sur le salaire, mais fiscal, ça ne peut plus durer si on veut à un moment donné avoir une solidarité. C'est qui là, après ? Damien. Nous, on voit bien que dans notre vie quotidienne, les prix des produits de première nécessité augmentent. La nourriture surtout, et puis l'eau, l'électricité, le pétrole, les tickets de bus et de train, le loyer, les médicaments. Mais les revenus des chômeurs baissent et il y a plein de revenus qui sont toujours en dessous du seuil de pauvreté. Même pour des gens qui travaillent, alors on se prive de plus en plus d'aller dans une activité culturelle, parfois de prendre le train, on doit couper le chauffage, se priver d'électricité, se passer d'Internet. On ne peut plus faire réparer un vieil ordinateur, on doit se passer de se soigner, on vit mal, on est stressé tout le temps, c'est beaucoup de monde comme ça. Nous avons une proposition pour essayer de sortir de ça, c'est d'augmenter tous les revenus au-dessus du seuil de pauvreté et éliminer un statut cohabitant. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous trouvez que ça coûterait trop cher à l'État? Est-ce que vous pensez que tous ces ménages dans la pauvreté valent assez la peine pour que l'État décide de faire ce choix budgétaire pour réduire les inégalités et éliminer la pauvreté? Entendu la question? Donc, premier élément, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le fait qu'il faut relever les minima s'ils sont en dessous du seuil de pauvreté, ça c'est clair. Et s'il y a une inflation sur ce que vous devez acheter, normalement, ça devrait suivre également au niveau des allocations. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut toujours tout dire qu'on va faire, et on peut même le faire. Sauf qu'un État, à un moment donné, c'est jamais que la représentation de ce qu'on veut bien en donner. Soit cette je vais dire, une capsule qui est sur la planète Mars, et on dit ça c'est l'État, ou bien on dit l'État c'est nous. Et si l'État, c'est nous, ben à un moment donné, ce que l'État fait comme bêtise, c'est la population qui, à un moment donné, le contribuable notamment, tous les contribuables, l'endosse. Or, vous voyez bien quand même aujourd'hui que le budget de l'État, puisqu'il s'agit de l'État de la région, hein, parce que, ou même de la commune, moi, c'est ça qui m'intéresserait, et je vous assure que ce serait très interpellant, et vous jugerez après ce que ça donnerait, qui n'a pas l'heure aujourd'hui ? Allez, mais je pose la question, hein, réellement, qui n'a pas d'une manière ou d'une autre l'heure sur lui, sur son téléphone ou sur une montre, et ainsi de suite ? Si tout le monde là, ben à ce moment-là, sur les églises et même sur les maisons communales, faut enlever l'horloge. Il y a une chose très intéressante, vous devriez avoir. L'évolution de la dette communale, l'évolution de la dette provinciale, l'évolution de la dette régionale, l'évolution de la dette de l'État et l'évolution de la dette de l'État dans sa contribution à l'Europe. Et vous la regarderiez comme justement une montre, son évolution. Et vous verriez qu'elle croît, elle croît, elle croît, elle croît, elle croît, elle croît. Et qui est derrière tout ça ? C'est pas la dette de l'État, c'est les contribuables. Et si c'est pas vous, c'est vos enfants. Donc de dire « je veux plus » en voyant que la seule manière de faire aujourd'hui, puisqu'on n'est pas capable d'avoir un budget en équilibre, c'est-à-dire d'avoir des impôts pour les dépenses, qu'on les prenne à des riches, a fortiori, plus qu'à des pauvres, ben, vous accumulez de la dette qu'un jour, malheureusement, vos enfants devront payer. Il n'y a rien à faire. Et effacer de la dette, je l'ai vu dans certains pays, si vous voulez la révolution, c'est la meilleure manière. Hein, parce que effacer de la dette, c'est facile à dire. Regardez dans les pays où ça s'est passé, vous avez toujours eu des révolutions. Donc clairement, à un moment donné, c'est comme un ménage. Si vous vivez au-dessus de vos moyens un État, il y a quelqu'un qui payera un jour l'addition. Et n'oubliez quand même pas que plus l'addition va être chère à payer, plus les gens qui risquent de devoir payer, c'est-à-dire des gens plus nantis, vont s'éloigner et vont donc s'en aller. J'entends déjà, pour le moment, des gens qui pourtant ne sont pas des gens super aisés, qui se posent des questions quand ils entendent, par exemple, et je sais que ça peut vous choquer parce que moi je trouve que ça peut être aussi envisagé si on en a les moyens, c'est dans certains partis politiques, programmes politiques, et ça dépasse le stade de la Belgique, où on mettrait la gratuité des soins de santé. Ben, c'est très bien, mais il faut pouvoir le payer, c'est pas de pouvoir le dire. Alors si vous me dites, ben, moi j'ai la manière de prélever les moyens, pas de problème. Mais si vous ne savez pas les prélever, il y a un vrai problème. Or, aujourd'hui, quand je suis face à des gens de gauche, d'extrême-gauche, de centre, de centre-droit, de coalition, ils promettent tout ce qu'ils veulent. Et puis je leur dis, et vous faites comment ? Ah ben, on verra bien. Ah oui, ça, c'est d'accord. Et quand on sera élu, et je vois à chaque fois quand ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font ? Ce que vous dites. Comme ils ne savent pas payer, les minima sociaux, ils ne savent pas les adapter, le coût de la vie continue à augmenter, et les gens qui doivent recevoir, ben, soit on essaye d'en exclure, parce que quand on augmente, on se dit, il y en a trop. et on n'y arrive pas, donc on en exclut. Soit on ne les exclut pas, mais on leur donne moins que ce qu'on leur avait promis. Et on le joue sur des volets, comme vous le dites très bien, les loyers sont indexés, mais nous, ce n'est pas tout à fait indexé, ou bien des reports d'indexation, et ainsi de suite. Et c'est encore, malheureusement, la grande masse qui paie. Et quand je vois les équations, je vous assure que, simplement, il y a des chiffres, je vois la grosseur des chiffres. Et donc, si vous me dites, à un moment donné, on fait de l'économie dans un ministère, parce que je trouve que si, oui, c'est très bien, ça va remporter peut-être 3 ou 4 millions d'euros dans un ministère, vous me direz même 50 millions. Regardez pour que chaque assisté social en Belgique puisse avoir 1 euro de plus, combien il fait tout de suite. Les montants n'ont rien à voir. Donc, c'est pas possible. Maintenant, si vous me dites si je trouve ça injuste, c'est totalement injuste et je vous rejoins. Par contre, de nouveau, c'est pas en balançant des chiffres en disant « moi, si je suis au pouvoir ». Vous savez, je prends un très bon exemple, la Grèce, parce que je l'ai vécu du début à la fin. Au début, il y avait des partis traditionnels. Corrompus, c'est vrai, comme dans les pays du Sud, il y en avait. Mais c'était au moins des gens avec qui on pouvait dialoguer. Maintenant, on est à Alexis Tsipras. Ben, Alexis Tsipras, après, il reste une seule chose, si on prend encore aux vieilles dames qui auraient pu être ma maman, un peu d'argent. Elles n'ont plus aucun espoir, donc elles sont prêtes à voter pour celui qui va dire, je le dis exprès. Oui, par les Allemands et les Français aussi. Ils les ont bien arnaqués, les Grecs, avec Goldman Sachs et compagnie. Mais c'est qui est président? Mais il faut arrêter avec ça. Mais vous vous doutez que je le pense, puisque moi j'étais du côté des Grecs là-bas. Donc, je vous répète encore une fois, je suis d'accord avec vous. Je vous dis juste que maintenant, derrière... Mais je vous le répète. Mais de toute façon, vous avez raison, puisque je suis d'accord avec vous, donc je ne vois pas où est le souci. Je dis juste que, effectivement, dans le cas grec, comme vous le dites très bien, que ce soit les Européens de manière générale, on les a effectivement appauvris. Et je vous ai dit que je me suis battu jusqu'au bout pour les Grecs. Donc, ne me faites pas un faux procès, je suis d'accord avec vous. Je dis juste une chose, tous ces gens qui sont battus maintenant, ils restent derrière, aube dorée, des néo-nazis. Moi, je veux bien, hein, j'ai pas de problème. Je dis simplement, comment voulez-vous mettre des plans crédits en ordre avec des gens qui ne sont même pas capables de gérer même leur propre épargne? C'est des gens dangereux. Donc je dis par le populisme, c'est à ça qu'on arrive. Et je vous répète, dans le cas de Varoufakis, que vous citez, qui est un de mes collègues, à un moment donné, on a dû l'éjecter parce qu'il était nocif. Et il n'était pas Che Guevara, comme vous pensez. C'était quelqu'un, pour l'avoir vu au quotidien, qui se targuait d'être du côté des pauvres et où Paris Match le prenait en photo dans un appartement de luxe, avec une moto de luxe et plein d'argent. Donc c'était quelqu'un qui se glorifiait d'être Che Guevara en ne montrant pas l'exemple lui-même. Par contre, Tsipras, c'est différent. Mais Tsipras, à la fin, comme vous le dites très bien, on l'a remis en face. Je ne dis pas que c'est bien, je dis tout le contraire. Et il était effectivement fort contraint par la Banque Centrale Européenne et par les gens qui sont derrière, c'est-à-dire plutôt les pays riches. Et donc, je suis d'accord avec vous. Je dis juste que simplement, en promettant des choses au peuple, et après en ne leur donnant pas, vous arrivez à des tels minima sociaux que ces gens sont prêts à voter pour n'importe qui. Ils n'ont plus aucun espoir. Je vous ai dit, il y a des gens là-bas, je les voyais, ça aurait pu être ma maman, elle faisait les poubelles pour manger. Donc ça a été tellement loin, et les soins de santé, n'en parlons même pas. Hein. Et que je cite d'autres exemples. En Espagne, à un moment donné, on a fait des coupes, où quelqu'un qui avait un cancer, le temps... Entre le moment où il était diagnostiqué et le moment où il était traité, il était métastasé. Donc moi, j'ai vu des gens, lors de réunions comme ceci où je suis allé, on me disait, vous trouvez ça normal? Non, c'est absolument dégoûtant. Mais c'est à ce point dégoûtant que néanmoins, personne ne bougeait. Et que donc, à un moment donné, parce qu'on coupait dans les soins de santé, on ne se rendait pas compte qu'à un pays qui n'est même pas très loin, qui n'était pas dans l'état de la Grèce, des gens n'arrivaient même pas à être soignés pour des maladies aussi graves qu'un cancer. Donc je vous rejoins, je dis simplement, c'est pas comme on fait maintenant, vous le voyez d'ailleurs bien, qu'on trouve des solutions. Et vous voyez même bien que dans certains pays, et c'est pour ça que je prends l'exemple de la Grèce, à un moment donné, il a tellement poussé le baril d'une certaine manière très, très, très fort dans le « je ne suis pas content », qu'il s'est retrouvé face à des gens qui l'ont recadré en disant « eh bien, très bien, monsieur Tsipras, vous ne voulez plus de l'aide européenne ? Eh bien, ok, vous avez gagné le référendum, c'est ce que vous vouliez. Eh bien, maintenant, ok, vous naviguez comment ? Ah ben, je navigue pas, je coule. Eh bien, coulez tout seul. » Maintenant, vous voulez revenir, puisque vous avez poussé la barre si loin. Eh bien, c'est très bien. Vous aviez un accord qui vous coûtait 10. Maintenant, au lieu qu'il vous coûte 10, il va vous coûter 12. Et ce n'est pas négociable. Et vous foutez Varoufakis dehors. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et les 4 dernières années, il a été comme un petit soldat derrière les grands gouvernements, où il a fait plus, alors qu'il est de gauche, pour les riches, j'entends, c'est-à-dire les créanciers de la Grèce, que n'importe quel homme politique avant. Et ça ne va pas. Point. Et je suis d'accord avec vous. Maintenant, je reviens sur vos questions. Clairement, aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose pour éviter que des gilets jaunes deviennent pratiquement toute la population qui attend quand même un minimum de qualité de vie, Je pense qu'on va droit à de vrais problèmes sociaux plus que des problèmes économiques. Moi, je suis économiste, mais je vois bien où on a mis la barre aujourd'hui. Et vous, quoi ? Mais je vous le dis. Donc, je ne suis pas en train de vous critiquer. Prenez le bien comme ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en ayant essayé d'aider des gens qui étaient dans la dèche et pour un État complet, par exemple, en Grèce ou même en Espagne, je me suis retrouvé avec des gens qui tellement tiraient la barre de l'autre côté qu'il n'y a plus moyen d'avoir un accord pour essayer de trouver une solution crédible. Trouver des solutions en balançant des chiffres, ça c'est facile, hein. Mais à un moment donné, il faut les trouver. C'est peut-être juste avant de passer à la question suivante. Ok, les promesses, etc., on entend bien, j'entends bien les explications. Est-ce que dans un État comme la Belgique, le fait de choisir à un moment donné, au niveau fédéral, de se dire il y a une somme d'argent qu'on décide de consacrer effectivement à amener les revenus au seuil de pauvreté, à faire sauter le statut cohabitant. Le bureau du plan a l'air de dire c'est 10 milliards d'euros. Et quelque chose qui, à l'intérieur du gâteau, sans faire fuir les riches, donc voilà, ils feront de toute façon ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui, en termes d'options et de choix organisationnels d'un État, pourrait être rendu possible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des choix d'orientation, d'options, de priorisation, etc., qui soient possibles? Et est-ce que ça peut compter suffisamment au plan économique que les revenus des gens arrivent au seuil de pauvreté, puisque, comme le dit souvent Olivier, l'argent, ils vont le dépenser immédiatement dans l'économie réelle et ils n'iront pas à le mettre au Panama, sauf si le café du coin s'appelle le Panama, dit souvent Olivier. Ça paraît évident. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un espace de dialogue et d'amorçage possible pour aller dans ce sens-là? Je pense que c'est ça aussi qu'il y a dans la question pour... Pour ce qui est de l'amorçage, je l'entends dans tous les gouvernements, j'entends chef de gouvernement ou président que j'ai eu en face de moi. Ils ne peuvent pas ignorer ça. De toute façon, regardez bien, Macron, s'il n'a pas compris maintenant, et je ne voudrais pas être à sa place, que le mouvement est non seulement quelque chose de durable, mais que ça risque de lui empoisonner toutes les décisions qu'il aurait voulu prendre sur le volet européen, parce que pour le moment, le problème, il l'a chez lui. Et vous avez d'ailleurs vu que les Italiens l'ont bien compris, des gens comme Salvini qui lui explique bien que si on accorde 10 milliards, puisque c'est ce qu'il vient de faire, aux plus démunis dans son pays, on ne peut pas traiter les Italiens de manière différente. C'est ce qui est, à mon avis, sur ce volet-là, en tous les cas, logique. Mais aujourd'hui, c'est comme vous dites, est-ce qu'on peut dégager 10 milliards? Pour vous donner une idée, pour le moment, les dernières mesures qui ont été prises par les gouvernements, pour essayer d'avoir un équilibre budgétaire, on discute parfois sur quelques milliards, et pour les trouver, c'est la croix et la bannière. Alors la croix et la bannière, vous doutez, c'est pas parce qu'on ne peut pas augmenter éventuellement la TVA sur des produits. Et ça, moi je pense que c'est une des voies des produits de luxe, mais vous voyez, il y a parfois une réglementation européenne qui ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. Un exemple pour la TVA, vous avez droit à 3 taux de TVA, pas à 10, à 3. Donc les 3 doivent être, à un minimum, adaptés. Alors vous savez qu'il y a d'abord le taux à 6%, le taux à 12% et le taux à 21%. Ben dans les produits à 21%, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de biens aussi que vous voulez acheter en tant que personne qui ont juste envie d'une qualité de vie. Donc on ne peut pas mettre tout à 22% parce que vous allez toucher à ce moment-là, si vous mettez tout à 22%, sur beaucoup de biens aussi que des gens moins nantis veulent acheter. Par contre, si vous me dites, et si on faisait un quatrième, un cinquième taux, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des choses? Moi, je n'ai aucun problème à dire que le type qui achète une Bentley, pour autant qu'il ne puisse pas aller l'acheter ailleurs et rouler en Belgique avec, hein, parce qu'il faut regarder l'ensemble, mettre un taux d'imposition à 50% serait scandaleux pour des voitures de ce prix-là. Quand on peut payer pratiquement le prix d'une maison pour une voiture, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'on a des moyens et qu'on peut le faire. Sauf que pour le moment, vous avez par exemple une réglementation, la taxe sur la consommation, quand on peut vraiment cibler les biens, est probablement la plus juste, puisque c'est en fonction de ce que vous achetez que vous payez. Maintenant, vous me dites très bien, il y a beaucoup de biens qui sont passés à certains moments comme n'étant pas vraiment de première nécessité à 21% et qui font, par exemple, que de l'électricité. Enfin, je ne vais pas venir sur tout ce que vous pouvez dire que les congélateurs, quel que soit, je ne vais pas citer de marque, mais le haut de gamme ou le bas de gamme, c'est aussi 21%. Donc, clairement, c'est pas vraiment redistributif. Et donc là, il y a certainement des choses à faire. Maintenant, si vous excluez celui-là, la taxe sur le revenu, ben, étant donné ce que je vous ai expliqué, regardez pour le moment les taux d'imposition. Ils commencent très vite, malgré que le gouvernement ici a essayé de remettre ça plus sur les revenus du capital que celui du travail, ce qu'il a appelé le tax shift, un petit tax shift, mais quand même un tax shift. Malgré qu'on a fait ça, les taux d'imposition des gens qui commencent, je vous ai dit, comme des indépendants ou n'importe qui, à gagner un peu sa vie comme salarié, vous êtes vite à 52% de taux de prélèvement. J'ai fait des calculs avec des étudiants sur des gens, je répète, pas des très très riches, des gens qui gagnent suffisamment que pour vivre, allez, on va dire un peu décemment. Avec l'impôt communal, vous travaillez jusqu'au mois d'août, voire mois de septembre, avant de commencer à travailler pour vous, hein, si vous le ramenez en mois, parce que vous payez presque 60% de taxes. Et c'est même sans compter la TVA. Donc il y a un moment donné où vous vous rendez compte que pour trouver des moyens en plus, il faut soit réorganiser tout le système, et surtout, parce que ça, vous ne le voyez pas nécessairement, mais tout à l'heure, on a parlé de la dette. Plus cette dette augmente, et on ne la rembourse jamais, hein, je suppose que vous avez compris que la dette, puisqu'on fait des déficits chaque année, on en rajoute une couche. Mais toute cette dette, même avec des taux d'intérêt bas pour le moment, elle coûte. Il faut payer des intérêts sur cette dette. Et donc ça ampute, avant même de commencer le budget de l'État chaque année, cette dette accumulée, le fait que vous devez au moins payer les intérêts, on ne parle même pas de la rembourser. Et ça prend des sommes colossales par rapport à vos 10 milliards. Et puis après, vous dites, il faut le fonctionnement de l'État. Vous voulez tous des routes. Hein. Je dis qu'en Région Wallonne, on a fait des efforts. Mais vous savez qu'avant, il valait mieux avoir un 4x4 qu'une voiture normale. Vous avez vu dans quel état le parc immobilier a laissé de côté, parce qu'on a préféré justement se focaliser sur les choses les plus dangereuses au niveau social. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. Je dis simplement que quand vous dites 10 milliards, pour le moment, dans le budget de l'État, je vois les mesures qui sont prises, on est déjà content quand on va chercher. Allez, vous avez entendu sur la taxe dite sur les comptes titres. Eh bien, l'espoir de celui qui l'a proposé, c'était d'avoir 250 millions. On est à 234 millions pour le moment. Et encore, je vous dis, il y a toute une partie d'assiette fiscale, donc de fortune mobilière qui est partie à l'étranger. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Mais malgré tout, on a pris 234 millions. Et c'est censé être une taxe payée par les plus nantis. Vous vous rendez compte, 234 millions par rapport à 10 milliards. Donc clairement, ce n'est pas évident. Maintenant, bien entendu que c'est une des priorités. Mais je répète encore une fois, je ne vois pas pour le moment qui est capable d'aller dans quelque chose de réaliste, étant donné les chiffres que je vois, et pas qu'en Belgique, sur la table, et étant donné les montants de prélèvements qu'il y a déjà, dans beaucoup, enfin vous le voyez bien, hein, sur les salaires, encore aujourd'hui, que ce soit les lois sociales, et il faut bien entendu qu'il y ait des lois sociales, que ce soit les droits à la pension, vous avez vu aussi sur les pensions, pour le moment, les chiffres qui sont mis en avant, c'est de dire... Et là, on est tous autour de la table, et qu'on soit pauvre ou riche, ça ne change rien. Heureusement, on vit tous plus vieux. De dire maintenant, on garde la même logique que ce qu'on faisait avant, et à 45 ans, dans certains cas, dans 55 dans d'autres, voire 60 dans d'autres, on part à la pension. Et malgré qu'on n'a pas constitué avant, puisqu'on ne savait pas qu'on vivrait aussi vieux, de quoi pouvoir assurer les pensions, on continue, on va droit dans le mur. Moi, je veux bien, hein, mais c'est mathématique. Les naissances, vous ne les changerez plus. Elles ont eu lieu. La pyramide des âges, elle ne changera plus. On sait qui va être vieux et qui va pouvoir payer pour eux. Et donc, aujourd'hui, vous avez de nouveau un trou. Et je peux continuer les exemples. Les soins de santé, aujourd'hui, vous savez comme moi, qui sont déficitaires, malgré ce qu'on essaye de faire. Et malgré Maggie de Bloch, je dis même malgré Maggie de Bloch, qui avait dit, moi, je vous assure que... Ben non, on est dans le mur au moins de 7 milliards. 7 milliards. Donc, quand je donne des chiffres pareils, je dis simplement que, pour le moment, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a toute une série de gens qui souffrent. Je ne demanderai pas mieux de trouver des solutions, et il y en a, mais alors il faut mettre tout le monde autour de la table et que tout le monde soit beaucoup plus solidaire. Mais si on continue à tirer sur les élastiques, moi ce que j'ai peur, ce n'est pas d'une explosion économique ou d'une crise économique, même si ça me fait peur, c'est plutôt d'une crise sociale. Et je pense qu'on commence à voir dans beaucoup de pays du Sud que ce n'est pas en faisant ça qu'on arrive à une solution. C'est même pire après qu'avant. Regardez un petit peu, hein, je ne sais pas si vous allez en dehors des zones de vacances, en Grèce ou en Italie pour le moment, mais je vous assure que là, ce n'est pas la pauvreté, hein, c'est l'hyper-précarité, hein, c'est pire que ça. Et heureusement que ça arrive au soleil, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même plus de logement, donc ils sont dans la rue en permanence. Donc c'est le climat qui les sauve. Le climat... au Portugal, ils ont pu faire l'inverse. Oui, oui. Au Portugal, ils ont pu augmenter les pensions. Ils ont commencé aussi. Comme Regardez surtout aussi, hein, parce que je connais bien aussi l'exemple portugais, de combien ils partaient. Hein. Il faut toujours vous dire de combien il partait. Augmenter de 10% quand c'est 2 francs, c'est facile. Quand c'est 200, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il ne faut pas regarder en pourcentage, il faut regarder les niveaux. Par contre, c'est vrai que la vie coûte aussi moins cher là-bas. Et donc, c'est pour ça que je dis, le seuil de pauvreté, c'est quelque chose qui doit être localement géré et pas globalement. Parce que sinon, vous dites, on est maltraité, ils sont bien traités, il faut voir le coût de la vie. Le type qui me dit, le seuil de pauvreté en Suisse, il doit être de combien? Ben, c'est d'aller vivre en Suisse. Hein. S'il était le même qu'ici, le type, il ne sait même pas se loger. Donc, c'est... Il suffit d'aller à Luxembourg. Oui, voilà, vous avez compris. Donc, ben, on est d'accord. Donc, clairement, ce ne sont pas des choses simples. Par contre, de dire maintenant les 10 milliards, difficile de les trouver. Dire qu'il ne faut pas amorcer la pompe, je pense sincèrement que tous les gouvernements, je n'en connais pas un, ne se rend pas compte maintenant qu'il doit faire quelque chose. Hein. Ça me paraît clair. C'est ça, d'accord. Ça me paraît clair. Yvette. Vu qu'on peut supposer ou affirmer que la question du plein emploi est un mythe notamment à cause de la mécanisation et de l'information et que tout le monde n'a pas une capacité de travail, trouvez-vous normal qu'on maintienne le lien entre revenus et emploi sous menace d'exclure des gens de leurs droits? Que pensez-vous de politique d'activation des chômeurs? Et si les gens travaillent, à partir de quel revenu vous trouvez normal d'accepter un travail ou de refuser? Parce que accepter un travail, c'est parfois vivre plus pauvre qu'avant. Il y a deux éléments que je mettrai en avant par rapport à votre question. Et d'abord, vous raconter une anecdote que j'ai vécue au moment où c'était la crise financière. Donc, de nouveau, j'étais avec des politiques lors d'un débat télévisé. Et j'avais à côté de moi, à l'époque, la responsable de la FGTB. Je la connaissais par ailleurs, elle était de ma région, Madame Demelen, et j'étais en train d'exposer ce que je voyais en Espagne et en Grèce. Et je dis à un moment donné, j'ai deux filles, elles étaient à ce moment-là encore trop jeunes que pour être sur le marché du travail, mais je dis, je serais très fier pour mes deux filles si demain, il y avait une crise qui était aussi grave que ce que vivent les Espagnols, mais qu'elles ne diraient pas, comme certains étudiants qui ont décidé d'être bibliothécaires quand il en faut deux par an en Belgique, et qu'ils sont 500 à sortir, ben je ne suis pas bibliothécaire, et ben pendant un an, moi je suis au chômage, ou je vais faire un tour en Europe, et ainsi de suite. Je n'ai même pas le temps de finir ma phrase, qu'elle m'attaque en me disant, c'est facile quand on est professeur à l'université, de vous comporter comme ça, vous n'avez même pas de respect pour vos enfants, je leur laisse parler, parce que moi je ne coupe pas les gens, et à un moment donné, je demande, je pense que c'était à Pascal Rebos, de me repasser la parole, et j'avais un ministre socialiste à côté de moi, je ne citerai pas son nom, ce n'est pas nécessaire, mais qui acquiesçait dans mon sens, je dis, écoutez, qu'est-ce que j'ai aidé? Je dis que je leur souhaite juste d'être en bonne santé à mes enfants et de ne pas vivre sur le compte de la société quand il y a des gens qui, eux, ne savent pas se passer de l'aide sociale et que tout le monde en a besoin. Mais je dis, je vais vous dire une chose, vous n'êtes quand même pas gonflé, vous ne connaissez pas ma vie. Moi, j'ai vendu des petits verrons quand j'étais jeune, parce que j'ai une famille relativement modeste. J'ai été moniteur de tennis et j'ai travaillé dans un camping où j'ai servi des bières. Je suis aujourd'hui professeur du livre. Qu'est-ce que je suis de différent? Je suis toujours la même personne. Mais j'ai toujours refusé, puisque j'en avais la chance, de ne jamais vivre sur le compte de la société. De dire à mes deux enfants, il y a un moment donné, c'est un luxe de choisir d'être bibliothécaire ou j'en sais rien. Et donc, quand tout va bien, ben, tant mieux. Mais quand ça va mal, il faut au moins, quand on est en bonne santé, ne pas prendre une partie des ressources qu'on pourrait donner à des gens qui n'ont pas cette chance. Et aujourd'hui, je trouve encore parfois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il est presque civique quand on est bien, non pas de faire la fine bouche jusqu'au dernier morceau, mais de dire, plutôt que d'être à charge de la société, qu'on prenne une partie de ce qu'on pourrait donner à des gens qui, eux, n'ont pas d'autre voie, parce que, par exemple, ils ont travaillé longtemps dans des secteurs qui, aujourd'hui, n'existent plus et qui sont trop vieux pour changer, quand on est jeune, on peut encore s'adapter. Or, aujourd'hui, j'entends quand même, parfois, des réflexions qui sont, pour moi, des réflexions malvenues dans des périodes où on doit quand même tous faire un effort. Et donc, de dire à un moment donné, je suis en bonne santé, je peux quand même faire autre chose, vous savez, moi, je tombe ma pelouse, et ce n'est pas pour ça que je suis malheureux. Si un jour, je devais me dire, je ne trouve plus d'emploi comme professeur du NIF, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui cherchent à ce qu'on tourne leur pouce? La réponse est oui. Est-ce que je peux vivre ma vie comme ça? La réponse est oui. Est-ce que c'est plus moins gai que d'être prof du NIF? Probablement, mais au moins, je ne suis pas à charge. Donc, ce type de question de dire à un moment donné, oui, ce serait bien si tout le monde faisait ce qu'il aime et que les petits oiseaux soient dans la propriété, qu'on respire le bon air, je ne peux que dire oui. Je dis simplement à un moment donné, soyons quand même un peu responsables tous, et de dire à un moment donné qu'il y a des secteurs où manifestement on ne cherche plus, où on ne cherche pas, et de laisser des jeunes se former pour cela, c'est un peu d'abord, à mon avis, de la démagogie, parce qu'on pourrait leur dire qu'il y a très peu de débouchés, et donc vous risquez d'être au chômage, et deux, s'ils y sont, pas simplement dire « oh ben, tant pis, je ne le savais pas, et tant qu'on ne me trouve pas un emploi de bibliothécaire, moi je ne fais rien ». Ça, ça ne va pas. Une fois que j'ai dit ça maintenant, je viens sur l'autre côté. Bien entendu qu'aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est les chiffres que vous voyez, mais on est revenu, pas tout à fait selon les régions, mais en Belgique comme dans pas mal de pays européens, à des niveaux de chômage qui sont très bas. Et je peux vous assurer que des offres d'emploi qui ne trouvent pas, pour le moment, des gens par rapport à leurs souhaits, il y en a tout plein. Ça n'arrête pas d'avoir... Le président du Cercle de Wallonie, donc c'est simplement de jeunes entrepreneurs et des plus ou moins jeunes, ils me disent tous, si je trouvais des emplois, je les engage tout de suite. Donc qu'il y ait une meilleure adéquation, et je pense que des gens au Forum essayent de le faire, pour qu'il y ait des gens qui soient adaptés, mais tous ne peuvent pas être comme ça, en un coup de pied, rapport réadapté pour le marché du travail, j'ai une bonne chose. Deuxième chose, et c'est ça que vous devez voir aussi, vous avez parlé de l'automatisation. C'est vrai que ça a remplacé beaucoup de capital, beaucoup de travail par du capital, en tous les cas des machines. Mais aujourd'hui, on voit aussi que dans les économies qui se développent le plus et qui arrivent à avoir un taux d'emploi important, la formation et tout ce qui touche la formation, que ce soit depuis l'école jusqu'aux hautes écoles, aux écoles tout court, aux écoles en formation continue, en formation ce que vous voulez, mais en tous les cas pour adapter les gens au profil de ce qu'il faut dans les entreprises, c'est ce qui marche. Or, aujourd'hui, je pense que même encore chez nous, il y a un déficit à ce niveau-là. On voit qu'on a encore parfois difficile à trouver les bonnes personnes. Regardez quelqu'un qui aujourd'hui décide d'être plombier, il n'a même pas besoin d'avoir fini, qui peut se mettre indépendant. Il y en a besoin. Je peux vous citer d'autres exemples, hein. Mais je parle des gens manuels, je peux parler aussi au niveau intellectuel. Donc il y a des demandes, mais je trouve qu'aujourd'hui, la formation, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre de l'argent, parce que c'est un investissement pour l'avenir. Et je vais vous dire autre chose, hein, là-dessus aussi. C'est ne soyons pas naïfs. Quand vous voyez aujourd'hui comment fonctionnent les grandes économies qui ont les moyens de leur politique, vous dites bien lesquelles dont je parle, c'est que quand vous formez des gens, et ça prend du temps, hein, 18 ans déjà pour avoir ce qu'on appelle en France le bac, et avoir ses humanités ici en Belgique, et puis que ce soit une école, n'importe laquelle, ça prend vite 2 ou 3 ans. Donc c'est des gens qui ont été pendant 21 ans sur le compte du système, ce qu'on appelle l'éducation nationale, et puis après des universités, ou des universités, ou des hautes écoles, ou des écoles tout court. Si à un moment donné, vous ne leur donnez pas un vrai avenir, un vrai bonheur, vous risquez à ce qu'ils partent à l'extérieur. Et là, vous perdez deux fois. Vous perdez par ce qu'ils auraient pu apporter comme création de richesse dans votre économie, et vous perdez le coût que vous avez mis dedans parce qu'ils vont le faire ailleurs. Et ils ne vont pas le faire nécessairement dans un paradis fiscal. Hein. Pour les jeunes indépendants aujourd'hui, j'en entends beaucoup de mes étudiants, mais aussi d'étudiants d'écoles de formation professionnelle, qui disent « Dès que je fais quelque chose d'un peu positif dans cette région, dans cet endroit, on me regarde de travers. Donc maintenant, je vais dans un autre endroit où on me respecte pour les efforts que je fais. » Et c'est pour ça que je dis que le regard, c'est pas uniquement, ça ne se monnaie pas toujours. Je sais que dans votre cas, bien entendu, pour le seuil de pauvreté, il faut bien entendu que ça se mesure par de l'argent. Mais derrière ça aussi, il y a une certaine reconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, nos talents ne sont pas nécessairement ceux, et heureusement, c'est pas, je vais dire, l'hémorragie n'est pas encore trop grande, ceux qui restent. Et donc, il faut faire attention aussi à ça. Mais le goût de la responsabilité, ça doit être des deux côtés. Vous pouvez demander à des gens qui paient pour des gens responsables, ça devient difficile pour des gens dont ils estiment, hein, à tort ou à raison, que c'est des gens qui font la fine bouche. Et je répète encore une fois, je parle de mes deux filles, et je le redirai aujourd'hui, si elles sortent demain, il y en a une qui fait pharmacie, il y en a une qui fait traduction-interprète, et qu'elles ne trouvaient pas un emploi tout de suite, je les trouverais très courageuses, et j'aurais beaucoup d'estime pour elles, parce que c'est comme ça que je les ai éduquées, de dire je ne me mets pas à charge de la société si je ne suis pas malade et que je peux faire autre chose, de façon transitoire. Hein. Ce n'est pas parce que vous tondez les pendant 2 ans que vous ne pouvez pas revenir dans votre métier de départ. Et j'ai vu beaucoup d'Espagnols à l'époque, c'était pour ça que je citais l'exemple, qui travaillaient dans le secteur horeca, où là il y avait toujours une demande, parce qu'ils ne trouvaient pas un emploi dans leur pays, plutôt que d'aller, par exemple, écouter les sirènes allemandes qui étaient prêtes à les payer très cher et à les délocaliser, à les prendre tout de suite. Parce que quand vous faites ça, je vous signale que vous appauvrissez l'Espagne. Hein. Vous trouvez un emploi à un Espagnol, mais il part en Allemagne, alors que c'est l'Espagne qui l'a formé, vous ne le revoyez plus, hein, parce que généralement là-bas, il a une meilleure condition de travail. Moi, deux remarques simplement. Hein, c'est par rapport à... Vous avez cité l'horeca comme dernier exemple. Il se fait que, puisqu'on est de la même région, habitants d'Urbouis, c'est un secteur que je connais un peu. Voilà. Et le nombre de gens, évidemment, que j'ai vu travailler dans l'horeca, et parfois d'ailleurs de témoins du vécu militant ici qui ont travaillé dans l'horeca, et qui, étant donné les conditions quand même qui sont à la clé, lorsque... on n'a pas l'opportunité que ça soit un temps de passage dans la vie, parce que ça, c'est la différence, je pense, hein, entre des personnes qui ne trouvent pas immédiatement ce qui leur convient, même en ayant fait des études, etc., et qui font un temps de passage dans la vie par autre chose, et puis ceux pour qui ce n'est pas un temps de passage dans la vie, et qui restent dedans. Voilà, oui, oui, mais ça existe mais quand même. Et donc, je vais jusqu'au bout de ma réflexion. Mmh. Et donc, on voit, nous, et on rencontre beaucoup de gens qui sont... vidés, cassés, physiquement morts, hein, à des âges pas possibles, avec maladie à validité, avec des choses comme ça, sans être du tout dans l'abus, parce qu'à un moment donné, les conditions d'existence par un travail exigeant où le revenu n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous, ça dépend, hein, mais n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous, ça, c'est pas simple. Donc, c'est aussi une question quand même qui se pose dans cette société aujourd'hui. On voit qu'une partie des gens qui se font exclure aujourd'hui du chômage ou du CPS ou autre, sont, pour une partie, sont ces gens-là aussi, donc qui ont, ou de la maladie invalidée, qui sont dans une dégringolade parce qu'ils ont donné, parce que, etc., etc. Donc, ça, je trouve que c'est une réflexion. Et la deuxième réflexion que je voulais faire, c'est, parce que je ne sais pas si c'était à l'Allemagne que vous pensiez, mais vous l'avez cité après, donc je supposais que oui. Moi, je me pose quand même la question par rapport à l'Allemagne de, à la fois la réussite et à la fois, c'est le pays qui a explosé le pourcentage de travailleurs pauvres de façon la plus importante en Europe. On parle de 20% dans les chiffres officiels de travailleurs pauvres, avec des gens qui cumulent 2-3 emplois pour arriver à survivre. Et donc je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre type de déséquilibre qui s'installe dans ces économies-là? Est-ce que la réussite de l'Allemagne ne se fait quand même pas sur le compte de 1/5? C'est beaucoup, quoi. Oui. Enfin, voilà, c'est... Oui, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure, et je le citais aussi pour, entre guillemets, mes filles, c'est plus parlant parce que je pense que quand c'est les siens, on est encore plus engagé. Et donc, je dis, j'espère pour elles qu'elles trouveront, comme tout le monde ici, l'emploi qu'elles souhaitent. Je dis simplement, quand il s'agit de vouloir montrer de la bonne foi et une certaine responsabilité, voire être patriote, dans les moments difficiles, il faut que tout le monde fasse un effort. Et donc, quand on est en bonne santé, de dire « moi, parce que je ne suis pas bibliothécaire, zut, je ne travaille pas. Moi, parce que j'ai décidé d'être traduction-interprète, zut, je ne travaille pas », je dis « non, c'est trop court ». Or, vous en avez encore aujourd'hui qui sont dans ce luxe-là. Oui, mais le plein emploi, c'est un mythe. Un emploi pour une personne, ce n'est pas possible. En tous les cas, je vais dire plutôt c'est une espérance qu'elle soit difficile à atteindre, ça c'est autre chose. Ça c'est vrai. Et il y a toujours d'ailleurs, et on est tous d'accord qu'il y a toujours un chômage de friction. Hein. On sait qu'avoir 100%, on ne l'aura jamais. Mais entre avoir 80%, vous savez, chez les jeunes pour le moment encore en Espagne, ça va mieux, ou en Grèce, c'est 55% parfois qu'il y avait de jeunes qui allaient au chômage. Hein. Oui, donc c'est pour vous dire, quand les chiffres sont à ce niveau-là, on n'est plus dans une idée même de plein emploi, on est complètement ailleurs. Et donc j'ai dit que la formation, je pense, l'enseignement et tout ce qui peut ramener une adéquation entre, en tous les cas un équilibre entre ceux qui sortent et ceux qu'on a besoin, est indispensable. Le deuxième élément par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui exporte énormément. Et je vais vous dire peut-être des choses pas désagréables, parce qu'elles sont factuelles, mais que vous pourriez voir au début, tiens, c'est contre-intuitif. Quand vous voyez aujourd'hui au niveau concurrentiel, je me souviens aussi d'avoir été un débat, mais ça c'est bien avant, au moment où il y a eu les altermondialistes. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les altermondialistes en tant que test. C'était le débat. Et c'était parti sur le grand capital, et ceci. Et vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une société, il y avait une compagnie aérienne qui s'appelait Virgin, qui faisait des prix très bas. Il y a eu Ryanair après, qui a fait encore plus bas, mais soit. Et c'était, oui, c'est dégueulasse, tout le monde a droit à, et tout, et tout. Puis à un moment donné, c'était à la radio, mais on voyait les images TV de la manifestation. Hein, un moment donné, stop. Et je n'avais encore rien dit, hein, je vous assure, je n'avais encore rien dit. J'étais juste comme expert, pas comme politique, ni comme syndicaliste, ni comme quoi que ce soit. Je dis, est-ce qu'on peut faire un gros plan? Il me dit, ouais, on est à la radio, pourquoi vous voulez un gros plan? Ben, je dis, parce que tout le monde va le voir ici, donc il suffira juste qu'on dise ce qu'on voit. Et ceux qui ont la TV n'ont qu'à mettre la RTB, c'est à la RTB. Et je vois un type qui est en début de manifestation. Je dis, voyez, c'est le leader de la manifestation. Oui, oui. Ben regardez la marque de son téléphone. À ce moment-là, je vous signale qu'en Europe, il y avait Nokia. Hein. C'était le grand vendeur de téléphone. Hein. Vous en avez probablement tous. Hein. Et ben lui, il avait déjà un Samsung. Et je dis probablement qu'il va en voyage sur Virgin. Et probablement et probablement qu'il achète des soupules chez Tati ou ainsi de suite. Je dis, il n'y a rien d'Europe là-dedans. Et en plus, il est le premier à dire qu'il ne faut pas faire travailler des enfants, et encore, nous, ce n'est pas des enfants, dans de mauvaises conditions de travail, mais il achète des trucs où ce sont des enfants qui font les ballons pour ses gamins. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir que ce qui ne coûte pas cher aujourd'hui, malheureusement, est encore aujourd'hui produit par des gens qui sont nos concurrents et qui vont plutôt à destination des pauvres que des riches. Prenez, par exemple, dans le textile aujourd'hui. Ben, si vous prenez du Lacoste, du Benetton, de bas de gamme, c'est fait dans les pays où on utilise de la main-d'œuvre pas chère et parfois même des enfants. Vous montez dans la gamme, ben forcément, puisqu'on veut mettre les prix à ce moment-là, et la couverture sociale à celui qui peut l'acheter, il n'y a pas de problème. Regardez dans les voitures, c'est pareil. Donc je dis, un pays comme l'Allemagne, et là, vous avez vraiment souligné quelque chose qui est très important, il a aussi une partie de sa réussite dans l'exportation, parce qu'il a géré une partie, sur certains secteurs qui doivent être très compétitifs, des frais de main-d'œuvre, avec la clairvoyance, vous pourriez dire derrière, le mauvais esprit, parce qu'au bout du compte, il y a quand même des gens qui souffrent, mais qui permettaient de tenir au niveau concurrence mondiale par rapport à des pays qui, eux, font vraiment du grand n'importe quoi, et qui sont parfois des pays pauvres. Hein, parce que, vous voyez, il ne suffit pas d'être pauvre pour traiter les gens convenablement. Je pense même que c'est dans les pays les plus pauvres, malheureusement, parce qu'ils y sont contraints, qu'on exploite le plus par des dictatures, par ce que vous voulez, même des enfants. Par contre, de dire qu'il y a des gagnants toujours du même côté, ça, je peux vous rejoindre, et que ce sont souvent des sociétés, pas les individus eux-mêmes. Mais aujourd'hui, il faut savoir, à un moment donné, aussi ce qu'on veut. Hein. Regardez un petit peu les produits chinois qui entrent chez nous, ça s'est un peu diversifié, mais avant, c'était tous des produits qui étaient à destination du plutôt les produits blancs. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai rien contre, je dis simplement que c'est un constat. Et qu'ils arrivaient à les amener encore plus bas. Et donc, je dis aujourd'hui, il faut faire attention à bien prendre tous les éléments. Je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas tenir compte des remarques que vous avez dites. Je dis simplement qu'il faut faire attention. Deuxième exemple, pour voir au niveau contre-intuitif jusqu'où je peux aller avec vous. Et réagissez, on échange des idées. Tout le monde va vous dire aujourd'hui en Europe, Madame Merkel, c'est la plus dure de toutes. Pas vrai? C'est la seule qui était prête à payer. La seule. Elle l'a fait, et vous pouvez vérifier mes propos. Hein. Au sommet de Deauville, elle a dit, moi, je ne supporte plus. Je peux plus me les voir, les Grecs. Et ce n'était pas sur le côté, je ne peux plus me les voir, ceux qui sont dans la rue. C'est ceux qui négocient avec moi. Donc maintenant, on va payer. Elle n'a pas dit ça comme ça. Elle a dit, on va faire le travail à leur place. Et on va leur monter une administration fiscale. Et on va faire ce qu'il faut au niveau social. Et ça va coûter un certain chiffre. Et on y va. Et à ce moment-là, le gouvernement français, dirigé par M. Sarkozy, n'aurait pas de toute façon eu le choix, parce qu'il n'aurait pas trouvé une majorité pour soutenir ça. Lui, il s'est dit, ah quoi, on va prendre dans notre budget pour donner? Ah mais moi, j'en ai pas les moyens. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Madame Merkel, elle, vous voyez, elle veut faire de l'ingérence en Grèce avec de l'argent allemand. Et en disant ça, tous les autres pays, à l'unisson, y compris le nôtre, a dit, ah oui, ça, on ne peut pas faire. Mais parce qu'on ne voulait pas payer, on préférait prêter. Et quand vous prêtez, forcément, vous ne faites pas un cadeau. Hein. Vous trouvez quelqu'un qui vous prête, vous faites un cadeau, surtout quand il prend un taux d'intérêt plus élevé. Là, Mme Merkel était prête à dire, moi, je veux bien qu'on prenne de l'argent allemand, je veux bien qu'on paye, mais on ne payera qu'une fois. Alors que de l'autre côté, on pousse les gens à faire ce qu'ils faisaient déjà très mal avant, puisqu'on leur prête, ils disent, vous nous prêtez de l'argent, on va vous rembourser, et on va vous payer des intérêts en plus très élevés, donc vous nous laissez faire exactement ce qu'on veut. Elle dit, non, on prend des gens qui sont là pour gérer et les aider à gérer, on paie, donc on est solidaire. Et à ce moment-là, on a une chance d'arriver. Et ça a été calé. Et après, elle a systématiquement, et je peux vous le dire, je l'ai vu lors de réunions, dit non, parce qu'elle disait, mais qu'est-ce qui va changer? Ils ne savent pas le faire. En gros, je vais le dire autrement, vous avez des gens qui ne savent pas opérer dans une clinique, et vous dites, on paie, on leur prête de l'argent, ils n'en perdent pas bien. À un moment donné, vous allez opérer avec eux. Donc, à un moment donné... À moindre mesure, c'est ce qui lui arrive au CPS. Quoi. C'est-à-dire? C'est qu'on lui donne un statut cohabitant. Oui. Et comme il a un statut cohabitant, il ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc, il est obligé de retourner à la rue alors qu'il en venait pour pouvoir toucher un statut, statut plein. Mais je pense que c'est ça l'utopie. C'est de penser qu'un monde pareil peut continuer et qu'il serait temps que des gens comme des économistes prennent les choses en main et se disent qu'il faut changer les choses. Mais c'est vous qui avez les cartes en masse, pas nous. Nous, on est trop bas. Vous m'accordez beaucoup d'importance, monsieur. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas... Vous savez, il y a des gens qui me posent parfois la question autrement, et beaucoup me l'ont posé. Est-ce qu'ils vous écoutent? J'ai plutôt dit, ils m'entendent. Mais oui, mais c'est ça. Mais donc, et je ne leur en veux pas non plus à tous, loin de là. C'est pas des métiers faciles, d'autant plus que quand... Allez, je vais encore vous dire quelque chose que Merkel a dit à un moment donné, que j'ai trouvé très bien. Au tout début, où... J'étais loin d'être tout seul avec elle et j'étais loin d'être ma copine. Et je n'ai pas échangé à ce point avec elle, mais je l'ai vue au moins deux ou trois fois où on était en groupe plus restreint. La première chose qu'elle a dit pour nous mettre à l'aise, c'est que j'ai trouvé que c'était quand même une approche très différente de la manière de se présenter. Elle a dit, vous savez, il y a deux Madame Merkel. Il y a d'abord Madame Merkel qui a fait un diplôme, qui a un très beau diplôme d'ailleurs, elle était docteur en chimie. Elle dit, là, je l'ai eu par mes compétences. Et il y en a un autre qui est très difficile à porter, qui est le fait que je suis chancelière d'un grand pays, et là, je l'ai eu par ma popularité. Eh bien, aujourd'hui, je préfère qu'on continue à appeler Madame Merkel, ou alors m'appeler docteur Merkel, parce que l'autre, je ne sais pas où ça va me mener. Et c'est donc aussi un défi pour chaque homme politique, c'est la différence entre dire « je pousse mes compétences, mais je dois quand même être élu, et je dois être populaire ». Et aujourd'hui, je pense que parfois, on dit des choses parce qu'on veut être populaire, qui ne doivent pas être faciles après, quand on doit les tenir. Et c'est ça qui ne va pas. Et vous avez raison sur le fait de dire qu'après, à un moment donné, monsieur se retrouve dans une situation pire qu'avant pour différentes raisons. Je ne connais pas votre cas, mais je comprends. Je vous comprends. Je peux, avant de passer la parole à Olivier pour enchaîner tout de suite, je voulais juste... c'est Olivier, la question suivante. Mais juste poser une question qui est peut-être idiote et pour laquelle je vous invite à une réponse très très courte pour qu'on puisse avancer. Parfait. Parce que vous parliez tout à l'heure de patriotisme et donc du fait de voir quand le pays ne va pas bien, comment est-ce que chacun finalement se dit, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire et quelles sont mes responsabilités. Et donc, deux exemples, un pour vous taquiner et l'autre qui était dans la réalité. Est-ce que ça serait aussi être dans le champ du patriotisme de se dire, le premier exemple, il est dans la réalité, à un moment donné, dans, par exemple, l'appareil hospitalier, ça a été une réalité sur tournée à un moment donné, il y avait la possibilité de régler la vie de l'hôpital pour qu'il y ait suffisamment d'infirmières, etc., avec une diminution d'1% des revenus des médecins, enfin, etc., donc des revenus les plus élevés, et donc de faire un système de vases communicants, en quelque sorte, pour arriver à régler, qui n'a pas abouti. Donc ça a fait l'objet de... Voilà, parce que... est-ce que ça, c'est une question de manque de patriotisme, d'accepter de renoncer à 1% de la ressource qu'on a lorsqu'on est dans un niveau de revenu? Et l'autre question... Là, c'est plus celle pour vous taquiner. Moi, je prends souvent l'exemple... Je crois que c'était déjà la première. Non. La deuxième, c'est que moi, je dis souvent, tiens, est-ce qu'il ne serait pas intéressant... Je ne parle pas de la recherche. Hein. Là, je parle des gens qui ont un statut de prof d'UNIF confortable, installé, etc. De se dire, tiens, à un moment donné, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi avoir un peu une sorte de péréquation salariale, hein, dans une proportion limitée, hein, entre les profs d'UNIF, par exemple, et par exemple, les enseignants qu'il y aurait besoin d'ajouter pour de l'accompagnement valable en primaire, dans le professionnel, dans le technique. Enfin, on ne parle pas là d'augmenter le budget, ce n'est pas ça que je veux dire. On parle du lien. Alors, est-ce que ça serait du patriotisme aussi? Est-ce que c'est des choses qui devraient pouvoir se penser pour demander à tout le monde d'être patriote? Oui. Dans les moments où il faut l'être. Mais, de toute façon, vous prenez des exemples où c'est une solidarité qui doit en tous les cas être... pas imposé, parce qu'à un moment donné, chacun a une perception différente. Je peux juste vous donner ma position par rapport à ce que vous avez dit. Je vais d'abord répondre sur le deuxième point. Oui. Si vous me dites maintenant, dans un moment difficile, et je vous signale d'ailleurs, je parle pour le côté français, je ne parle pas pour mes salaires de professeur en Belgique, mais pour le côté français, il a été décidé à l'éducation nationale en France, les dernières années, de ne plus indexer les barèmes de professeurs. De professeurs d'université. Donc, et c'est dans toutes les universités, parce qu'en France, dans les universités publiques, vous avez un statut de professeur agrégé des universités, ce que j'ai. Vous avez une chaire, mais vous pouvez la déplacer si demain je décide d'aller à Marseille. Autant qu'il y a un poste à Marseille, je pars avec toute mon ancienneté, et ainsi de suite. Donc, ce que je vous dis là, c'est vrai sur toute la France. Donc, tous les profs n'ont pas été indexés. Donc, en termes de pouvoir d'achat, ils ont perdu le pouvoir d'achat. Moi, ça ne m'a pas choqué. Quand il y a des gens qui souffrent, ça ne m'a pas choqué. Maintenant, j'ai des collègues qui ont été choqués. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, évidemment, il y en a qui vous diront, oui, mais comme il travaille comme expert, ainsi de suite, il a donc des revenus ailleurs. Mais je travaille aussi. Je pourrais dire, moi, quand j'ai fini, c'est un travail à plein temps que j'ai. Donc, je pourrais dire, je me contente de ça. Si je fais des efforts supplémentaires que vous me dites, en plus, on me tape dessus parce que j'accepte qu'on me retire une partie de mon salaire ou en tous les cas qu'on ne me donne pas l'inflation. Mais que je fais des efforts à côté, et donc je ne suis plus solidaire parce que je fais des efforts quand même, je dis là, vous poussez gros, je veux bien accepter de faire un effort d'être solidaire, mais si je travaille plus, qu'on me dise que je ne dois rien gagner, qu'on me prenne tout, et ainsi de suite, je trouve que ce n'est pas malin, parce qu'à un moment donné, je ne ferai plus rien. Donc, premier élément. Donc, je réponds à votre question, moi, ça ne me pose pas problème. Mais pour autant qu'on ne stigmatise pas les professeurs par rapport, comme vous l'avez dit avant, aux médecins, ou ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ce serait que les professeurs à qui on ferait une proposition pareille? Et c'est pour ça que je dis maintenant, à titre individuel, où que je sois dans une période pareille, ça ne me pose aucun problème. Hein. Et de l'autre côté, quand vous dites, dans un hôpital, on aurait pu régler le problème par une redistribution, je reprends, et là, c'est pour vous taquiner, vous, l'exemple allemand. Il faut vous dire quand même que les usines de voitures en Allemagne ont... résister, et vous regardez encore le nombre de voitures allemandes, et je ne parle pas que les hauts de gamme, hein, on n'est pas sur les Porsche et les BMW, même sur les Golf et ainsi de suite, parce qu'à un moment donné, les syndicats allemands, quand il y a eu une crise économique grave il y a une quinzaine d'années, ont négocié avec les patrons en disant « Nous, on accepte pour garder l'emploi une baisse salariale, alors que c'était déjà des gens qui, sincèrement, au niveau du pouvoir d'achat, n'étaient déjà pas les mieux nantis. » Donc, il y a un moment donné, c'est des décisions collectives. Maintenant, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je peux répondre pour Roland Gillet, mais je peux aussi avoir tous mes collègues qui vont dire « il devient fou, pourquoi est-ce qu'il fait un cadeau là-dessus » et avoir alors les mauvaises explications. C'est de dire « lui, il le fait, et même si les gens ne le savent pas, parce que mes parents sont d'un milieu très riche, donc lui, il s'en fout, son salaire, c'est pas grand-chose. Ou bien, lui, il dit oui, parce que simplement, il a des revenus à côté, parce qu'il travaille plus. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a très difficilement des consensus sur ce genre de discussion, parce que vous en avez toujours qui, pour ne pas faire cet effort, trouvent des raisons de ne pas le faire. C'est tout. Moi, je vous dis, en tous les cas, je serai prêt à le faire. Okay. Olivier. Eh bien, moi j'avais presque envie à un moment de dire que je ne veux pas poser ma question parce que je connais déjà la réponse, mais comme vous avez engagé vous-même le sujet, que vous aviez dit que c'était important, je vais vous parler de la formation et de l'enseignement. Et pour nous, on trouve ça très important et ce n'est pas facile pourtant d'accéder à l'enseignement. Il y a beaucoup de problèmes parce que l'enseignement n'est pas toujours attentif aux familles qui ont le plus difficile. En plus, ça coûte cher. Il y a des familles qui ont des problèmes pour payer et ça a des conséquences sur les enfants. Il y a des jeunes qui ne vont pas faire des études à cause que ça coûte cher. C'est aussi douloureux. Alors on se demande pourquoi l'enseignement n'est pas vraiment gratuit. C'est pour ça que je disais que j'hésitais à vous poser la question. Et en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous proposiez comme moyen pour arriver à ce que l'enseignement gratuit, pour qu'accéder à l'enseignement en paix ne soit plus un problème et pour qu'aucun enfant, aucun jeune n'ait un problème pour entrer dans l'enseignement? Mais vous avez vu d'abord qu'il y a une chose en Belgique qu'on a dans d'autres pays, mais qu'on a en Belgique aussi, c'est que l'enseignement est obligatoire, je parle en tous les cas, jusqu'à un certain âge, jusqu'à 18 ans. Oui, mais je dis juste... 200 euros d'amende pour absentéisme, oui, ou un mois de prison. Oui. C'est ce que je viens de recevoir comme lettre, donc je suis au courant. Oui, mais je suis juste de vous dire... Je me doutais que vous alliez certainement dire quelque chose, mais je suis juste de vous dire qu'aujourd'hui, on trouve que c'est important puisqu'on le rend obligatoire. Et on voudrait... qui soit gratuit, et heureusement, parce qu'il coûte déjà très cher, cet enseignement. Si vous regardez par rapport aux autres pays, l'enseignement dans le budget de la Belgique, c'est un poste hyper important. Et hyper important, d'abord parce que je trouve que c'est important, donc c'est heureusement que c'est un poste important, mais c'est un poste coûteux. Et c'est un poste coûteux et qu'il faut bien prélever sur les impôts pour, à un moment donné, financer les enseignants. Donc, clairement, vous avez raison, je pense que c'est important, même immensément important. Et je pense que le fait d'échapper ou de ne pas pouvoir, c'est comme on veut, à l'enseignement, à la formation, c'est s'exclure pour le monde de demain, et c'était déjà vrai dans le monde du passé. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et donc, non seulement ça vous jette dehors culturellement, mais ça vous jette dehors aussi au niveau de vos capacités à un jour pouvoir répondre à certains emplois. Sauf si, comme vous le dites très bien, et je ne parle même pas de l'ORECA en particulier, vous dites à un moment donné, il me suffit qu'on m'explique des choses très répétitives. Et là, normalement, n'importe quel individu est capable de le faire, mais ça peut être parfois très éprouvant, et je ferai ça toute ma vie. Ça, c'est un autre choix. Vous ne vous excluez pas, mais vous acceptez qu'à un moment donné, puisque vous n'avez pas de formation, ça va être des choses assez basiques que vous allez devoir faire de façon très répétitive. Et je voulais réagir aussi sur le côté, et vous aviez raison de le dire, il faut voir où on met la pénibilité d'un travail. C'est vrai que la définition, si vous les prenez dans les pays du Sud, ça va être très pénible. Si vous les mettez dans les pays du Nord, ça sera moins pénible. Et à un moment donné, ça a un coût aussi de dire on veut mettre la pénibilité à un degré beaucoup plus acceptable. Et donc, de nouveau, moi, je ne peux que vous écouter et je ne peux que dire que sans doute, il faut faire des choses aussi pour que ça coûte encore moins cher. Et je vous signale d'ailleurs qu'en dehors de tout ça, il y a des bourses. Donc, en plus, on peut, quand on est dans la précarité, ou en tous les cas dans des revenus plus bas, on a accès à des bourses qui permettent de faire des études. Moi, je... Oui, oui. Mais ça, si c'est le cas, c'est dommage, parce que c'est justement le contraire de ce qui est voulu normalement au départ, c'est de dire que c'est une manière de recoller à l'activité et donc de recoller à une vie culturelle, à une vie sociale et tout le reste. Donc, si ça ne se fait pas, il faut certainement qu'on remette plus de moyens... non pas au niveau de l'enseignement, mais au niveau du fait qu'il y a des exclus, et que vous dites en plus que ça coûte cher, alors que ça devrait être vraiment un bien commun que tout le monde devrait pouvoir partager, c'est-à-dire pouvoir attraper une formation, plus encore un diplôme. Vous savez, aujourd'hui, moi je pense, et je le vois dans beaucoup d'entreprises, c'est une bonne chose d'avoir des diplômes. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut surtout avoir des compétences et une formation adaptée au métier dans lequel on veut vous mettre. Et donc, de dire qu'il y a uniquement les diplômes, il faut certainement des diplômes. Les diplômes doivent être une reconnaissance de la qualité de ce qu'on a fait comme effort pendant l'enseignement, mais derrière les diplômes, il faut surtout une adaptation beaucoup plus forte des gens qui sortent aux emplois qui sont dans toutes les classes des emplois proposés aujourd'hui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en Belgique et notamment en Wallonie, on n'y arrive pas toujours. Et donc, c'est un vrai défi. C'est facile à dire, pas si facile que ça à réaliser, mais vous donnez des exemples où réellement, pour vous, apparemment, la tâche d'accéder à la formation ou de l'offrir à vos enfants va plutôt dans le sens de dire j'ai l'impression qu'on m'exclut. Et ça, ce n'est pas normal. Et je ne connais pas votre cas, hein, mais je dis que ce n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Et comme économiste, je le pense vraiment, parce que là, vous appauvrissez comme tout le tissu. Oui, oui, bien entendu, mais vous me le demandez comme économiste oui, aussi, c'est vrai aussi. Ce qu'on va passer la parole à Eddy, ce qu'on peut. Bien entendu que c'est un investissement. Ce qu'on peut se poser comme question, mais je ne vous demande pas de réagir, parce que c'est si on n'a pas à travailler le bain culturel, mais aussi la possibilité pour tous les ménages, quelles que soient leurs conditions de départ, de faire que leurs enfants soient dans des écoles de la réussite dès la maternelle, le primaire et le secondaire, et de la réussite voulant dire. Des écoles qui entendent quels sont les potentiels de ces jeunes pour qu'ils aillent là où ils le souhaitent et que l'enfant de milieu plus défavorisé qui veut faire l'université arrive à le faire, comme l'enfant du milieu très aisé qui a envie d'être carrossier, qu'on le laisse devenir carrossier. Et il y a, je pense, un malaxage culturel à faire pour que les milieux aisés ne se reproduisent pas, j'ai envie de dire, dans un continuum automatique par rapport à leurs jeunes, de se dire ben, le Graal, c'est l'université, et si on ne réussit pas là, on redescend et on est en échec. Tout comme aujourd'hui, ben, on est par exemple dans un déficit, le pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais il est extrêmement bas, de jeunes de milieux d'origine étrangère ou de milieux particulièrement défavorisés qui arrivent à l'université quand ils le souhaiteraient. Et je pense que si on ne rompt pas avec ces exclusions-là, on a un problème. De façon un peu caricaturale, on dit souvent... c'est la classe moyenne qui ne va pas à l'université et les pauvres qui payent l'université, des riches qui y accèdent. Ce n'est pas complètement faux en termes de sociologie. Mais après, c'est compliqué. Oui. Hein, mais... J'aurais quand même tendance à dire que ce que vous dites est vrai, parce que c'est un constat général, mais que ça évolue bien. Moi, je vois dans les étudiants, et je suis pourtant dans des universités, entre guillemets, je parle en tous les cas pour la France, à la Sorbonne, qui sont assez prestigieuses. Avant, l'accès était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, je me retrouve, et tant mieux d'ailleurs, avec des étudiants de tous les milieux. Et j'ai parfois, un exemple par rapport à ce que vous dites, ça m'est arrivé, heureusement, ce n'est pas une majorité, mais ça m'est arrivé d'avoir un type qui était en plus, et je dis en plus pour aller dans votre sens, de milieu aisé, et voulait faire un doctorat. Bon, qu'a bien lui fasse. Et il avait en plus les notes pour le faire, donc il avait tout. Et plus je le voyais, moins il avançait. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, il y a un problème. Il me dit, je suis un raté de la famille. J'ai pourquoi ? Parce que ça fait 15 générations, hein, je ne sais plus si c'est 15 ou 12, qu'on est tous docteurs. Docteurs, pas en médecine, hein, mais docteurs dans une discipline. Et il dit, moi, je m'ennuie. Ben, je dis, il faut le dire à votre papa. Il me dit, si jamais il se dit ça, il me dit, vous ne vous rendez pas compte. Ben, je dis, si, il faut le dire. Et je dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Il me dit, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vivre dans des grands espaces, être dans les Alpes, faire du ski, ainsi de suite. Ben, je dis, il y a un moniteur de ski. Il me dit, vous vous rendez compte ? Je ne vais jamais dire ça, mais je n'oserai jamais dire une chose pareille. Je dis, vous êtes malheureux toute votre vie, alors. Et en plus, vous dites que vos parents ont les moyens, ils ont quand même les moyens aussi de vous écouter. Ah, ben, il me dit, moi, comme je suis là, je suis malheureux. Ben, je dis, il faut le dire. Vous n'allez pas continuer à faire quelque chose qui vous ennuie, en plus en étant compétent. Mais un jour, il pourra bien faire quelque chose. Et plus vous allez avoir de diplômes, plus ça va vous éloigner de la paire de ski. Hein. Et donc, le type a réussi, à un moment donné, à faire passer l'idée à ses parents qui ne voulait plus être dans le suivi habituel. Je l'ai recroisé, il n'y a pas longtemps, il n'est pas moniteur de ski, là. Il a trouvé une autre activité, mais ce n'est pas important. Non, du tout. Je pense, si vous voulez, qu'il n'est pas celui qui va être le plus chéri néanmoins. Donc je ne pense pas qu'on lui a donné cette opportunité-là. Mais surtout, et c'est ça qui est important, il était heureux de faire ce qu'il fait. Maintenant, je vous répète, ce n'est pas une majorité. Par contre, je me suis beaucoup battu, et ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez vérifier mes propos, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois plus crédible qu'un autre. Vous pouvez vérifier, je me suis beaucoup battu. Pour des gens qui ont voulu faire un doctorat, qui venaient de milieux plus défavorisés, voire de milieux très défavorisés. Et je suis chaque fois arrivé à mes fins. Chaque fois. Alors, ce n'est pas un grand nombre, parce que c'est clair que des gens qui font un doctorat ou autre, mais je suis toujours arrivé. Et il y a des moyens. Et il y a des moyens. Et il y a des moyens. Dans un mode, vous vous rendez compte ce que vous venez de dire en plus, vous venez de dire, je me suis battu. Mais oui, je me suis battu, parce que le nombre de bourses. Mais c'est... Oui, mais la société. Battu, c'est pas parce qu'ils. Attendez, je dois juste. Oui, mais vous avez raison. Mais ce que je veux juste dire, c'est pas j'ai dû me battre parce qu'ils étaient. Ils étaient pauvres au départ. J'ai dû me battre parce que c'est concurrentiel vu le nombre de bourses qu'on a pour des doctorats. Alors, je répète encore une fois, vous avez dit quelque chose, je n'ai même pas réagi, mais que je vais dire ici. C'est vrai, quand je vois la difficulté de certains de mes collègues qui sont dans l'enseignement primaire et secondaire en termes de gestion sociale aujourd'hui, des gens qui ont des étudiants, des jeunes, par rapport à ce que moi j'ai, je m'excuse, mais à moins que certains de mes collègues aient des cas plus difficiles, c'est vrai que je donne cours maintenant plutôt dans les dernières années, moi je suis dans le luxe royal. Hein. Les gens qui arrivent, moi j'ai pas de problème de gestion du quotidien, des enfants, ils sont déjà normalement éduqués ou pas, quand j'en ai un grossier, ben je le recadre, il est adulte, donc je lui saute pas dessus, hein, je ne le frappe pas, mais j'évite le moyen de lui dire que je peux l'exclure de l'auditoire s'il continue à faire le pitre, ou en tous les cas, j'ai des techniques pour le calmer, mais c'est beaucoup plus facile que quand on a une classe d'enfants. Donc si vous me dites en plus maintenant, est-ce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même là que ça se passe au départ et que l'exclusion sociale peut venir, en dehors de la famille, c'est clair. Et donc, si vous me dites demain, on met pas moins de moyens à l'université, parce que ce serait une mauvaise chose pour le futur, ou dans les grandes écoles, mais on insiste plus encore sur le côté d'éviter les exclusions, et je pense d'ailleurs que c'est une volonté, mais c'est pour voir si elle sera chaque fois mise en pratique autant qu'on ne le voudrait, mais de dire, c'est là qu'il ne faut pas qu'il y ait le décrochage. Vous savez que je vois quand même des gens encore aujourd'hui, et mes collègues aussi, et ce n'est pas en Belgique, hein, c'est partout, où la langue maternelle, pour beaucoup, et parfois chaque année, la moyenne, hein. Il y a des gens qui, heureusement, parlent très bien, écrivent très bien, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui, même dans des mémoires, donc c'est cinquième année d'université, écrivent encore avec plein de fautes dedans. Hein. Donc ça veut dire que le niveau avant amène quand même parfois à ce qu'on puisse passer au travers des mailles en ne sachant même pas écrire convenablement, écrire sa langue maternelle, hein, j'entends, ou même la parler. Et donc, qu'il y ait des exigences de diplôme, c'est vrai, mais qui est surtout un accompagnement pour arriver à ce que les diplômes représentent encore quelque chose aujourd'hui, et pas qu'on ait l'impression, et je ne dis pas qu'il est vrai partout, dans certains pays, en tous les cas, d'un nivellement par le bas. Et je peux vous dire que dans les pays du Sud, là, le nivellement, il a été vraiment par le bas à certains moments. Donc vous avez des gens que je reçois dans les universités où je suis, où je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce possible qu'ils soient arrivés chez moi, et pas chez moi, à ce diplôme-là, étant donné les carences qu'ils ont sur des choses que tout le monde devrait savoir, écrire et parler. Okay. On est à la sixième question. Voilà. Il y a encore 40 minutes. Voilà, c'est comme ça, tout le monde est au courant. Et peut-être de... Hein, oui, oui, mais c'est surtout qu'on ait le temps de répondre aux questions. Hein. Je suis contente. Après, on taquine avec des questions difficiles, donc j'essaie d'être gentil. Voilà. Je suis contente de trouver quelqu'un qui parle plus longtemps que moi, parce que quand je vais dans les médias, on me dit toujours « Christine, on sait que tu parles longtemps, hein, donc il faut raccourcir. » Non, mais vous savez, c'est voilà. Pourquoi je parle longtemps. Alors, Eddie, c'est parce que vous me posez des questions difficiles, donc plus je parle, moins j'ai de questions. Bon, allez, on avance. Tu flatteurs, vu tout dépend de ceux qui... Toujours. Une question sur le logement. Dans notre pays, des personnes ne peuvent pas se loger, payer régulièrement le loyer. Des personnes doivent choisir entre payer le loyer, l'eau, le mazout ou l'électricité, et donc être toujours en danger, menacé d'être en défaut, de s'endetter, de risquer d'avoir un compteur à budget ou un limiteur de débit d'eau. Alors, comme économiste, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre la question du logement ? D'abord, un point très important, c'est aujourd'hui, déjà se loger, il n'y a que deux manières de faire, soit de vous louer, soit de vous acheter. Je pense que dans nos économies, on a beaucoup privilégié, comme un luxe d'ailleurs, de devenir propriétaire. Si vous prenez, par exemple, l'Europe, aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, qu'en France et en Belgique, il y a plus de 70% de propriétaires. En Allemagne, qui est pourtant le pays le plus riche, il y en a à peine 50%. Donc, ça veut dire que là-bas, louer n'est pas nécessairement idiot, parce que ces gens ne sont pas moins riches que chez nous. Or, il faut savoir qu'avec l'évolution de la société, puis je vais venir à votre question, et surtout, des choses qui sont juste évidentes, c'est même pas le prix de la maison qui est le problème, ni même qu'elle soit trop chère ou pas trop chère, ni même qu'il y ait 21% de TVA si c'est du neuf, ou déjà 12,5% si c'est de l'ancien, de droit de mutation, enfin de droit d'enregistrement ou de TVA, et plus les frais de notaire. C'est pas ça qui est perturbant. C'est qu'aujourd'hui, on n'a même pas tenu compte des enseignements de notre société qui sont là tous les jours. Quand vous endettez, et surtout si c'est des gens de milieu modeste et de moyens modestes, à deux pour faire votre petit nid d'amour, et que vous empruntez 70, 80, voire 90% parfois de la totalité, et que vous les empruntez sur 20 ans, en sachant que l'espérance d'un couple marié ou non est de 6,9 ans pour le moment en Belgique, soit vous avez foi en regardant à côté de vous en disant « c'est le pauvre à côté qui, lui, elle va se tailler », et l'autre à côté, c'est lui qui va se tailler et moi, elle va rester. Ou bien vous vous dites, oh, c'est quand même un bon achat. l'amortirait sur trois conjoints, hein, puisque je ne vais pas non plus dire être misogyne ou... Hein, bon, en plus, à quelques jours du jour de la femme, oui, voilà. Ça peut aller des deux côtés, mais néanmoins, s'endetter en 20 ans, en sachant que l'espérance est de 6,9 ans, ça veut dire que vous allez avoir trois conjoints différents. Et en plus, que vous allez peut-être avoir des espoirs, puisque ça coûte cher, de ne pas construire 10 fois, que vous allez dire j'aurai au moins 2 enfants, alors qu'elle va partir ou vous allez partir avant de les avoir. Donc même pour des raisons écologiques, ça ne me paraît pas malin. Mais il y a toujours une voie facile qui, le début en tous les cas, vous évite de devoir mettre vos pauvres deniers que vous avez et vous endetter très fort, c'est de louer. Or, aujourd'hui, on explique encore une majorité qu'il faut être propriétaire pour être heureux. Pour vous dire le type de question que je trouve assez amusante, parce que, évidemment, vous m'avez dit que je pouvais mettre un peu d'humour, je vais essayer d'en mettre un peu ici. Vous avez des gens qui me disent... Mais non, mais vous allez voir, pas plus long, mais c'est parce que ça va très vite. Mais c'est pour, vous allez voir pourquoi c'est important par rapport au logement. C'est que des gens me disaient, mais enfin, je me demande quand même comment toi tu fais, t'es tout le temps dans les hôtels, tu voyages beaucoup, et c'est... Je dis, oui, alors. Je dis, quand tu vas en vacances, t'es malheureux. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, je dis, quand tu vas en vacances, tu prends quand même pas ta maison, tu vas dans une location. Et je dis, il y a bien quelqu'un qui a dormi avant dans le lit, non? Il me dit, oui, qui me dit, alors? Ben, je dis, donc, t'es heureux en vacances? Ben, je dis, moi, je suis en vacances alors toute l'année. Et je dis, en plus, je dis, si t'es dans les statistiques, méfie-toi, c'est pas parce que tu as ton lit que personne ne dort dedans, hein, regarde les statistiques. Hein, soyons quand même honnêtes, vous êtes d'accord, monsieur? Au moins là-dessus, hein, on peut être d'accord. Hein, c'est toujours facile. Donc, je dis, je reviens plus sérieusement à votre question. Le logement, aujourd'hui, c'est un coût très important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde, mais devenir propriétaire, c'est un luxe. Et donc, de dire qu'il faut être propriétaire pour être heureux, d'abord, je vous ai montré que le pays le plus riche ne le fait pas, mais une fois que je vous ai dit ça, ça veut dire que les contraintes financières que vous avez sur le dos sont beaucoup plus faibles. Vous êtes beaucoup plus adaptatif. Imaginez que vous ayez, par exemple, votre conjoint qui s'en va et que vous n'avez plus qu'un seul des deux revenus, ou bien vous perdez votre emploi. Mais vous pouvez tout de suite... Parce que la loi vous protège en plus quand vous êtes locataire, pour des raisons économiques, dire j'arrête ce bail-là et j'en prends un appartement plus petit, ainsi de suite. Si vous êtes dans votre maison et que vous avez un événement comme ça, vous continuez à payer pendant 20 ans. Et là, vous mangez des spaghettis peut-être pendant 20 ans pour pouvoir être un jour propriétaire d'un toit qui est le vôtre, tout en ayant eu la même satisfaction que si vous l'aviez loué. Mais ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on voit, nous, au niveau des, entre guillemets, de la zone d'expertise que j'ai eue sur les crises immobilières dans certains pays, parce qu'elles ont créé des crises économiques et sociales derrière, dont l'Espagne, où aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aborder les choses avec surtout les jeunes qui peuvent, eux, changer de vision et qui font que le coût des opérations liées au logement peuvent être beaucoup plus basses et être beaucoup plus adaptatives. Quand vous avez décidé que c'est votre maison, c'est terminé. Et s'il y a le moindre événement, vous tombez malade, ou bien vous payez des assurances, mais les assurances coûtent cher aussi. Donc globalement, aujourd'hui, je pense sincèrement que le problème du logement doit être vu sur différents axes. Et je vous ai répondu sur une partie. L'autre maintenant de dire, est-ce qu'on a droit à tout ça? La réponse est oui, mais ça a un coût. Et le coût, il faut voir comment, de nouveau, on trouve dans un budget un moyen pour être plus sélectif sur certains biens plutôt que tel autre, pour amener peut-être alors le coût de certains besoins de première nécessité avec une taxation, notamment une TVA plus basse. Mais je vous répète, étant donné le règlement européen actuellement, ce n'est pas si simple que ça. Parce que je l'ai vu, et pas rien qu'en Belgique. Mais vous avez raison. Ok, une petite remarque par rapport à ça. Si on se dit, tiens, le locatif, pourquoi pas? Parce qu'au réseau Wallon, on trouve aussi que le locatif n'est pas assez soutenu par les pouvoirs publics. Voilà. On voit aussi, parce que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants qui viennent au réseau, que la part du loyer dans le revenu peut être énorme. Alors, parce qu'il y a un jeu, évidemment, d'enveloppe. C'est soit les revenus qui sont beaucoup trop bas, on parlait tout à l'heure, en dessous du seuil de pauvreté, voire pire, hein, et soit les loyers qui ont explosé. Donc, par rapport au loyer qui explose, si on va vers le locatif, vous avez des idées, vous? Attention. Si vous regardez les loyers qui explosent, même ici en Belgique, dans le haut de la gamme, les loyers n'ont pas explosé. Ils ont augmenté, mais moins que l'inflation. Et ils ne peuvent pas augmenter plus que l'inflation, puisqu'il y a une obligation qui doit être calée sur un indice, qui est un indice santé, qui est en dessous de la vraie inflation. Donc, dire qu'il y a une explosion des loyers, ils augmentent justement pour protéger le locataire et pas le propriétaire. Donc, clairement, la loi protège toujours le locataire. Ça, c'est évident. Vous ne pouvez pas... Oui, pardon. Excusez-moi, mais il y a une étude qui a été faite tout récemment par IWEBS et qui démontrait sur base notamment des annonces ImmoWeb que les plus petits loyers sont ceux qui proportionnellement ont le plus augmenté. Et la part du loyer dans le revenu des ménages, effectivement, est proportionnellement beaucoup plus importante. Vous avez totalement raison. Redites-le, vous avez totalement raison. Parce qu'on a... Mais je ne vous avais pas vu que vous partiez. Si en plus, vous vous en dites la norme, moi, ça ne va plus. Hein. Moi, je vais au bout de la pensée des gens. Voilà. Et donc, vous avez tout à fait raison. Mais là, les prix sur les plus petits loyers augmentent plus vite parce que la rotation est plus grande, forcément. Or, vous savez que quand, effectivement, vous passez d'un locataire à un autre, vous pouvez l'augmenter vos prix. Pas après, pas pendant 9 ans. Oui, mais oui, je sais bien. Mais j'explique le pourquoi. Pas pendant 9 ans. Mais après, il y a de ça sans doute aussi. Mais, et c'est ça qui est important, c'est que si vous regardez l'évolution des prix de l'immobilier par rapport au loyer, là, les prix ont colossalement augmenté. Donc, clairement, il valait mieux louer. Sauf si vous me dites, maintenant, je suis un spéculateur qui va vendre ma maison. Si vous me dites que c'est le premier logement dans lequel vous dormez, même si le prix prend 3, 4 fois, ça ne va rien changer. Vous l'occupez quand même. Et vous n'allez pas la revendre, probablement, pour aller ailleurs. Par contre, ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous pouvez rêver de ce prix comme étant une épargne accumulée. Mais je peux vous dire, pour vous citer, je ne vais pas rentrer dans les exemples, l'exemple de la Hollande, un pays plus riche, et l'exemple de l'Espagne, que beaucoup de gens ont été très déçus au bout du compte quand ils voient tout ce qu'ils ont dû mettre dans leur maison et quand arrive à ce moment-là une forte correction des prix de l'immobilier où ils se retrouvent au bout du compte. Et vous savez quand même aujourd'hui, et ça vous le savez tous, qu'on veut des maisons plus propres, des maisons écologiques, avec des normes très dures, qui coûtent d'ailleurs très cher et qui risquent encore d'évoluer et qui vont faire que même un logement que vous allez créer maintenant, dans 10 ans, il sera complètement passé de gamme et vous ne pourrez plus le revendre parce qu'il faudra un certificat bazar et pour faire les travaux dedans, ça coûtera presque aussi cher que la maison. Donc clairement, je trouve que tous ces éléments-là vont dans le sens que vous avez dit, du locatif, certainement dans un premier temps, quitte à devenir propriétaire plus tard si vous avez mis de l'argent de côté et que vous pouvez ne pas vous endetter à hauteur de 80 ou 70%, ce qui est déjà énorme. Mais maintenant, de dire on peut vivre heureux sans être propriétaire, la réponse est évidente, heureusement d'ailleurs. Hein. Et je vous répète, je vous ai donné des exemples. Maintenant, pour ce que vous disiez, par rapport au loyer, la volonté, même s'il y a des exemples qui passent au travers, c'est justement d'éviter que les propriétaires fassent ce qu'ils veulent avec les prix des loyers. Et je peux vous dire que dans beaucoup de zones, j'ai dit dans beaucoup de zones, les loyers pour le moment augmentent bien moins vite que l'inflation. Parce que vous regardez vous-même, vous avez pris un très bel exemple. Prenez ImmoWeb et oublions de faire de la publicité. Prenons simplement des gens. Moi, je voyage et donc c'est là que je le vois. Je m'excuse de dire ça, mais quand je vais à l'endroit où même le roi y va tout seul, et quand vous avez fait un vol d'avion, ça arrive souvent, vous avez automatiquement des publicités justement sur des gens. Et c'est un peu normal dans un aéroport qu'on vous dise, tiens, il y a des biens. Avant, c'était 40 000 biens, 60 000 biens, 120 000 biens, 160 000 biens. Et aussi bien à la location qu'à la vente. Donc clairement, il y a des biens loués. Et les prix, si vous regardez, je vois les agences, croulent sur nouveaux prix. Nouveaux prix, ce n'est pas un prix qui est vu à la hausse, hein, c'est un prix qui est vu vers le bas. Donc attention quand même à ne pas exagérer. Hein. Clairement. Juste, on va passer la parole à François. Ce sera peut-être la dernière question, puisque les autres en ont tous posé une, mais on verra bien. Moi, et j'entends bien, et c'est très intéressant l'échange qu'il y a là, simplement dire que la moyenne des revenus des gens qui fréquentent le réseau, ça va de entre 900 euros et 1500 euros, et qu'évidemment, sur 900 euros, quand on loyer est même à 400 ou 500, ben voilà ce que ça laisse pour vivre. Mm-hmm. Et si le loyer est à 600, 700 ou 800 parce qu'il y a des enfants, ben voilà. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose à faire. Et juste pour votre information, quand on lutte contre la pauvreté, on sait que le premier levier sur lequel agir, c'est sur le logement. Logement avec les charges de loyer, etc. Voilà. Françoise. Voici un exemple que je connais parce que je suis surendettée. Régulièrement, quand on commence à s'en sortir, il y a une dette qui revient et qui vous réenfonce. Les huissiers sont très vite derrière la porte dès qu'on retrouve un logement ou un emploi. C'est même souvent comme ça qu'on sait qu'on est domicilié en sortant de la rue. On n'a pas le temps de se stabiliser, on est rattrapé par le passé. Et puis, il y a une grande injustice. Quelqu'un qui a une dette de 500 euros et qui a de l'argent, ben, il ouvre son portefeuille et paye en une fois. Une personne pauvre qui a la même dette, elle va devoir payer en plusieurs fois, ajouter des amendes, des intérêts, des frais d'huissier. Et donc, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Je ne trouve pas ça normal, ça nous remet la tête sous l'eau, alors qu'au contraire, on aurait besoin d'air à ce moment-là. Est-ce normal que ce système économique punisse le pauvre d'être pauvre plutôt que de l'aider à s'en sortir ? On pourrait croire que l'État, les financiers et peut-être même les économistes pensent que nos difficultés financières viennent de notre comportement. Vous, qu'en pensez-vous et que proposez-vous pour changer cela ? Bah d'abord, une réflexion générale. C'est comme vous le dites très bien, si c'est pour aggraver le problème plutôt que de le régler, je ne pense pas que ça serve à quelque chose. Et vous avez montré que dans votre cas, en tous les cas, ça vous accule plus que ça ne vous remet en selle. Et c'est assez général. Donc j'entends bien. Deuxième élément, et ça, c'est d'une manière générale. J'essaie d'abord de dire des choses générales pour au moins qu'on soit au moins sur des idées qu'on peut partager, c'est clair qu'on dit souvent gérer un ménage, c'est gérer ça en bon père de famille. Alors c'est clair que c'est beaucoup plus facile à le dire que dans la pratique, puisque, comme vous le dites très bien, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Mais c'est clair qu'individuellement, on attend quand même que chacun essaye de vivre pour lui. Parce que si en plus, il a besoin, je parle pour les dépenses courantes, je ne parle pas pour les soins de santé, je parle vraiment pour les dépenses courantes, dont le logement, qui est une dépense qui est propre à chacun. S'il a besoin que d'autres paient pour lui, il est clair que les autres, et je vous dis à tort ou à raison, d'autres pauvres par exemple, pas uniquement des riches, puissent dire « écoute, moi je m'en sors bien pour que toi tu n'y arrives pas ». Donc il faut vraiment bien analyser le pourquoi du comment de chacun individu avant de mettre en place des mécanismes de solidarité pour éviter justement qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle des cavaliers libres, c'est-à-dire des gens qui se mettent dans la même situation que vous alors qu'ils ne le sont pas tout à fait et qui préfèrent que ce soit d'autres qui paient pour eux. Parce que clairement dans la société de consommation dans laquelle on vit, vous avez déjà vu que le risque de surendettement est très élevé. Vous n'êtes quand même pas tous dupes. Aujourd'hui, il est impossible, alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas, d'avoir le prix d'une voiture dans une publicité autre que par rapport à une mensualité. On ne vous dit même pas combien la voiture coûte. On vous dit, si vous voulez telle voiture, c'est autant par mois pendant autant de mois, et puis on dit très vite en dessous, et pour autant que le dossier soit accepté, 2000 euros tout de suite le premier loyer. Mais voilà, boum, boum. Mais on ne vous dit même plus le prix de la voiture. Et après, on ose quand même vous dire, et c'est là que je dis que ça commence déjà mal, attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Donc on vous aurait dit le prix de la voiture, on aurait dû vous dire c'est la voiture, c'est autant, mais comme vous ne la payez pas tout de suite, il faut rajouter autant. Et vous dire, en plus, si vous ne la payez pas, comme c'est souvent des leasing, on vous la reprend tout de suite, et vous avez payé pour rien. Donc tout ça, on ne vous dit pas. Mais je pense aussi qu'il y a toute une série de gens, et je ne connais pas votre cas, madame, je ne veux absolument pas dire que vous exagérez ou que si vous voulez, mais je dis, il y a des gens, et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui sont derrière eux, c'est même plus les banques qui s'occupent de ça, je ne citerai pas les noms des sociétés, vous les connaissez comme moi, qui viennent alors en aide avec des crédits, ce qu'on appelle des prêts à tempérament, mais avec des taux d'intérêt qui aujourd'hui sont à 9, 10, 12, parfois %. Et ces gens disent, j'ai au moins tout de suite ma télévision, mais je rembourse 125 euros pendant 6 ans. Le surendettement n'est pas... Le plus souvent, le surendettement, ce n'est pas de la surconsommation de biens de ce type-là. Non, ça a été clairement étudié que le surendettement est plus en lien avec des coûts de vie, avec le prix d'énergie, du logement et les choses qui rentrent dans la vie de tous les jours, qui sont trop élevés par rapport aux revenus des gens. Oui. Et donc, à partir du moment où vous êtes une famille monoparentale qui doit payer effectivement 600 euros de loyer avec ses enfants et que vous avez de l'électricité à payer, etc., vous ne savez pas vous en sortir. Et à un moment donné, il y a un truc que vous n'allez pas payer. Et c'est ça, le surendettement, chez la plupart des gens. Mais ça, vous avez raison. Mais je suis convaincu que sur ce que vous dites là, il y a évidemment plein de choses qu'il faut certainement prendre en compte. Mais je vous dis derrière... Allez, j'aime bien te prendre des exemples parce que je pense que c'est le mieux pour échanger. Mon père vendait des télévisions, vendait de l'électroménager. Et il me disait toujours, déjà à l'époque où il y avait beaucoup moins de gens dans la nécessité, et ça, je sais que ça lui allait gros, il me dit, il avait une grande clientèle, il avait des gens plus ou moins riches forcément, et il en avait qu'il trouvait relativement pauvres au point qu'il était prêt à faire des prix plus bas sur certains appareils. Et il me disait, c'est incroyable. Il prend la TV la plus compliquée, je suis sûr que même pour moi, lui expliquer la télécommande, j'y arriverai pas, alors qu'il a déjà difficile à nourrir sa famille. Et ça, je sais que ce n'est pas la majorité, mais dites-vous qu'aujourd'hui, c'est ce que des gens prennent encore comme exemple pour ne pas être solidaires. Donc je dis, ce que vous dites est sûrement vrai, il faut le prendre en compte, mais vous avez aussi l'autre volet, et c'est ce que j'ai dit, gérer en bon père de famille, qui revient chez certains en disant, oui, mais ce n'est pas de notre faute si telle personne n'y arrive pas. Quand il y a des raisons structurelles, et vous venez dire qu'il y a des raisons structurelles sur le logement et sur des choses qui sont tellement des biens tous les jours, que là, à ce moment-là, on ne peut plus prétexter ça. Et qu'il faut bien entendu revenir, et on est de nouveau sur la même chose, la précarité, le seuil de pauvreté qui est mis à des niveaux très bas et qui sont à des niveaux trop bas. Par contre, ce que vous avez très bien dit, et là, la voix des gens qui vous défendent n'est pas toujours la bonne, à mon avis, parce que je parle ça au niveau de ce que j'entends au niveau politique, ces gens, parfois, ne vous servent pas autant qu'ils le voudraient par des propos excessifs. Des propos excessifs, c'est-à-dire de dire « c'est tout le monde comme ça, c'est tout comme ça, c'est ça qu'il faut faire ». Il faut, à un moment donné, je pense, surtout exposer des cas particuliers. De ces cas particuliers, voir qu'effectivement, ce n'est pas qu'un cas isolé. Et quand on voit que ce n'est pas des cas isolés, régler le problème pour les gens qui sont dans votre cas, au-delà de ceux, parce que je vous dis, je parle aussi de l'autre côté, avec les sociétés de financement, il y en a qui me disent, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Je vous dis de ce qu'eux disent. Et c'est pour ça qu'ils mettent des taux à des niveaux élevés, parce qu'ils me disent, de toute façon, on sait que ceux-là, ils font défaut à intervalles réguliers. Et ils sont fichés, mais malgré tout ceci. Donc, pour justement éviter qu'on stigmatise en vous prenant tous dans la même catégorie, parce qu'il y a des gens qui gèrent très mal, et puis des gens qui sont dans la nécessité, il faut plutôt isoler le phénomène que vous décrivez, et avoir des gens qui se battent sur ce phénomène que je respecte en termes non seulement de fait de dire pour un économiste que trouver ça normal, je vous donne la réponse, non. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Oui, mais si on sépare, parce que si vous dites tout le surendettement, c'est ça, là les montants vont être colossaux. Mais ceux qui sont là-dessus, et je vous le répète, attendez, je vais vous citer même encore d'autres exemples, pour que vous voyez que ce que je dis là n'a rien même à voir avec la pauvreté, aujourd'hui dans le surendettement, et des gens qui font défaut, vous avez énormément de gens qui se croient riches parce qu'ils ont une belle voiture. Mais c'est plutôt pas riche. Ils ne savent pas la payer. D'ailleurs, généralement, elle retourne après quelques mois au leasing. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup de gens ont l'estomac beaucoup plus grand que le ventre qu'ils ont réellement. Et donc, ce n'est pas que chez les pauvres. Et donc, pour isoler le problème des pauvres, il faut venir alors sur ce que vous dites. Et là, réellement, vous avez raison. Mais je répète aujourd'hui, tout est mélangé dans le surendettement. Or, le surendettement, il est parfois même des personnes riches. Je vous cite un dernier exemple pour vous montrer à quel point c'est fou. C'est au moment où il y a la crise en Italie, il y a quelques années, le gouvernement italien a dit « maintenant, on va faire la chasse aux très riches, et ça sera vite fait par les signes extérieurs de richesse ». Et ils ont été, dans un pays qui en compte beaucoup, voir tous les propriétaires en termes de plaques de voitures, de Ferrari, de voitures Ferrari. Ils ont arrêté, hein, c'était la majorité des pauvres. C'est des gens qui se la pétaient. Ils n'étaient pas riches. Il va crédit sur la voiture. Et 9 fois sur 10, on la saisissait avant. Donc, il faut faire très attention entre l'usage d'un bien et sa possession et la manière dont on a de le faire. Vous savez qu'il y a des gens... Ferrari, il ne va pas savoir remplir son assiette, il y a un monde. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger, monsieur. Et vous me donnez encore une fois raison. C'est parce que le surendettement, mais ça... Je vais vous montrer là, vous avez l'huissier que j'ai reçu et vous allez m'expliquer ça. Vous allez me l'expliquer. Je ne suis pas l'huissier et je ne suis pas responsable. Non, mais vous allez m'expliquer... Comment ça se fait qu'avec une dette de 300 euros, je me retrouve avec une facture à payer de 739 euros. Alors, j'ai 435 euros au départ à payer. 18 euros pour consultation de fichiers de saisie. 155 euros pour signification commandement. 19 euros pour opposition. 10 euros et j'en passe. Mais c'est quoi ta question ? C'est ça la dette. La dette, elle est là, la majorité des gens. Et quand vous me parlez des gens qui surconsomment, c'est quand même incroyable. Pardon, excusez-moi. C'est quand même incroyable que vous venez de me dire que des agents qui prêtaient de l'argent disaient c'est les plus pauvres qui s'endettent pour ce qu'on fait des taux élevés et continuent à leur prêter. Comment on peut m'expliquer que je devais payer 5000 euros de contribution si j'ai dû les payer, c'est que je les ai gagnés ? C'est pas la question. Et que j'ai voulu payer par tempérament à contribution, on m'a dit non, c'est pas possible, il faut payer en autant de fois. Je ne saurais pas, c'est pas possible. J'ai dû emprunter parce que le taux d'intérêt à l'État était de 7%. 7%, c'est usurier comme taux. Bon, on s'égare pas, les gars, on continue les questions. On parle toujours de la fraude au logement. Quand on se rend compte que la fraude au logement, la chasse à la fraude, coûte 3 fois plus cher que ce qu'on trouve comme fraudeur, il y a quand même un problème. Voilà. C'est pas, c'est, bon, allez. Oui, parce qu'on va devoir conclure. Je pense que ce qui est intéressant dans le débat qu'il y a ici, et moi je le trouve constructif et intéressant, c'est que la question de l'endettement, elle est emblématique de quelque chose qui est extrêmement sensible. Forcément, toutes les autres aussi, hein, dont on en parlait avant, mais forcément celle-là aussi. Parce que, d'abord, l'endettement, il n'est pas nécessairement voulu. Tout le rapport à l'argent ne repose pas sur de la rationalité. Effectivement, il y a des gens qui sont très riches, qui sont très endettés, et ça les arrange pour certains. Hein, ça leur permet... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien dans la réalité wallonne, c'est celle qu'on connaît nous, et l'Observatoire du crédit et de l'endettement le dit, et par le fait que nous accompagnons régulièrement... C'est pas notre job, hein, nous, on fait plutôt un job politique au sens grand P. Hein, mais c'est pas notre job, mais ça nous arrive régulièrement aujourd'hui d'accompagner un ménage au CPS, d'essayer de voir comment boucler un budget mensuel, et où on voit que des gens sont obligés de faire aller une carte de crédit à la fin du mois pour manger, ou bien d'aller négocier des reports de paiement, etc., parce que réellement, les entrées et les dépenses pour l'absolument nécessaire sont déséquilibrées en permanence. Et donc, Là, il y a un nœud. Et notamment, Olivier parle de la fiscalité. Bah, on sait aujourd'hui que, par exemple, l'État fédéral, au plan fiscal, est devenu mais sectaire à un point que quasi plus rien ne sait se négocier. Donc ça, c'est un problème aussi. Donc on a une série de choses sur lesquelles c'est important de travailler par rapport à ça. Voilà. Moi, ce que je voudrais peut-être dire en deux mots, c'est d'abord merci d'avoir consacré le temps et d'être venu. Vous avez vu qu'il y a un vrai intérêt à la discussion. Et j'aurais envie de vous proposer, si vous êtes d'accord, mais et ça peut être mis hors antenne si on veut, de pouvoir vous rencontrer, mais une fois dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord ? Dites-moi d'abord ce que vous appelez dans l'autre sens, parce que là, je suis confortable. Dans l'autre sens, dans l'autre j'ai sens, peur. Ce serait, non, ce serait que simplement, nous, on puisse vous rencontrer avec les enjeux portés par les militants du réseau, pourquoi ils les portent, qu'est-ce que ça veut dire, en pouvant les expliquer. C'est ça, ici, on est parti de questions et que vous nous écoutiez. Voilà, je trouve que ça serait, je trouve que ça serait important et intéressant parce que je trouve vraiment que l'échange est intéressant. Mais à plusieurs moments, j'aurais eu envie, sans doute plein d'autres aussi, d'intervenir. Il y en a qui ne se sont pas privés de le faire autant qu'ils pouvaient. Mais à plusieurs moments, ce que je pense, c'est qu'il y a une analyse. Parfois décalé par rapport, je pense, à la connaissance plus en finesse de la réalité de la vie dans la pauvreté durable en Wallonie. Et j'aurais envie qu'on puisse vous partager ça en disant, je pense qu'on a une expertise ici qui pourrait compléter votre vision. Mais je pense de toute façon que l'échange d'idées, donc je me joins à ce que vous avez dit, d'abord j'ai un plaisir à venir, sinon je ne serais pas venu. Et maintenant que je suis venu, je peux même dire que je suis content du plaisir que j'ai eu à venir. Donc, vous voyez, donc je pars doublement content. Et je n'ai vu aucune réflexion qui était offusquante ni d'un côté ni de l'autre. On a partagé des idées. J'ai trouvé aussi que j'ai appris pas mal de choses. Et je redis, parce que par rapport à ce que vous avez dit, c'est l'amalgame qui tue. Donc, vos problèmes liés au surendettement n'est pas le problème des surendettés dont j'ai parlé, que vous avez bien relevé, que ceux-là, avec les Ferrari, ce n'est pas du tout le même problème. Sauf qu'aujourd'hui, on présente les choses de façon globale, et certains qui ne veulent pas entendre vos besoins se servent de justement des autres pour dire, ben voyez, il y a quand même aussi des gens qui s'en foutent royalement. Voilà ce que je veux dire. Et donc, je porte autant votre message que sur des quatre premières nécessités, d'autant plus avec une histoire derrière, comme ce ne sont pas des cas si isolés que ça, puisque vous dites qu'il y en a beaucoup, c'est de rassembler ces gens autour des idées qui amènent ça, et que ce soit ça et rien que ça qui soit porté aux gens qui peuvent prendre des décisions. Sinon, ça, d'abord, les sommes sont complètement n'importe quoi. Vous imaginez, si on doit mettre le surendettement, alors on n'en finit plus. Et des gens qui gèrent mal leur truc, vous savez comme moi qu'il y en a. Hein, faut quand même être honnête. Donc ici, on parle de tout à fait autre chose. Donc je dis que votre idée mérite non seulement d'être écoutée, mais elle mérite d'aller plus loin. Mais pour ça, il faut à ce moment-là avoir quelque chose d'homogène dans la manière de le porter. Si vous dites c'est le surendettement, c'est beaucoup trop vaste. Et des sociétés, je répète en plus, qui prêtent, il y en a qui sont pratiquement aussi coupables. Je ne dis pas toutes, hein, mais je ne pense pas qu'elle règle le problème des gens. Il y a un moment donné, il faut stopper les histoires. Parce que, je répète, un téléviseur, c'est important, mais un téléviseur en s'endettant, qui est le plus haut de la gamme, ce n'est pas malin. Surtout quand vous devez, de l'autre côté, couper, quand vous allez chercher, à la limite, pour vous nourrir. Donc, clairement, il y a des choses qui peuvent... Ce qu'on a dit sur le logement, je l'ai trouvé aussi, que le partage était, je pense, productif, parce que, d'abord, aujourd'hui, et je le maintiens, pour être propriétaire, il faut être riche, vraiment très riche, c'est un luxe. Et même quand, pour le loyer, vous dites que ça représente autant... Hein, même si les loyers ne sont pas indexés, je pense que c'est aussi des choses qu'il faut bien porter. Et donc, moi, j'ai été ravi de vous entendre, de réfléchir avec vous et humblement d'échanger des idées. Donc, si vous me dites que je serai toujours reçu, mais pas à l'envers, puisque vous m'avez dit que ce serait autrement, et qu'on sait le fixer dans mon agenda, je prendrai du temps pour le faire. Merci. Il faut juste me le demander tôt à l'avance. Oui, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, on ne doit pas remettre ça la semaine prochaine immédiatement. Et je dirais que j'ai été très bien reçu, ce qui est vrai. Okay. Merci. Voilà. Merci. Merci. Je savais ça, je voulais dire tantôt, parce que ça m'a intéressé, parce que je suis justement dans le cas qu'on parle. Dans le cas qu'on parle, justement, j'ai entendu parler Françoise qui parlait, parce que vous avez énoncé une anecdote avec une télévision qu'un monsieur achetait, mais que sa femme, il lui faisait moins à manger. Et que des gens font beaucoup ce genre d'erreur-là. Moi, personnellement, je suis dans ce que l'on vient de dire. Pas à côté, dedans. Donc, mes lunettes pour mon enfant, c'est 140 euros déjà, il faut les mettre. Et puis après, 110 euros les semelles. Je ne parle même pas du reste. Hein. Mais c'est vrai que tantôt, on avait parlé d'enseignement. Bon, l'enseignement, la gratuité, on l'a mis en maternelle. Désolé, mais une poignée de crayon, pour moi, sont, hein, c'est pas cher, quoi. Parce que l'école est payable à partir seulement de 12 ans. Moi, je ne l'ai pas oublié. Donc, voilà, c'est 400 boules tous les mois, 400 euros. Mais ça représente, quand on faisait par 12, quand même 36 quelque chose. Alors, 36 quelque chose, plus tout ce qui va derrière, quand vous redébitez, hein, c'est comme ça qu'on fait les comptes, hein, quand on demande pour être aidé. Hein. Même s'il y a l'OCDE avec l'unité de consommation, voilà quoi. Hein. Pour une personne à 1,5 avec un enfant, par exemple, on est quand même à 278, on nous laisse ça, on fait le calcul à l'envers, et puis les autres doivent vivre en dessous du seuil, quoi. Non, c'est pas normal que les gens doivent avoir des vies précarisées, des qualités de vie, on peut même plus dire qu'elles sont modestes. Elles sont pas modestes. Et c'est là le problème. Donc c'était juste une remarque. Okay. Une remarque, et okay. Voilà, il y a le droit automatique aussi, ça je le dis. Le droit automatique pour les bourses d'études.